Salut les marques et les smarts, bienvenue dans Catch Up, édition super spéciale, méga best-of de la fin de l'année. On va vous présenter les Catch Up Awards. Et oui, ça existe, on ne vous a pas prévenu, on n'était même pas au courant il y a une semaine. Et donc du coup aujourd'hui on va vous présenter nos catcheurs, catcheuses, tag team de l'année, tout ça, plusieurs catégories. Et je suis avec la full team, aujourd'hui la team totale. Nous avons Giscal. Ah, salut Hank, salut tout le monde. Nous avons Yerem. Salut. Je sais pas pourquoi je fais des mouvements, en fait on n'est pas en train de me filmer. Ringside. Salut. Ah, peut-être. On sait jamais. L'amiral Armbar et Raphaël. Dites bonjour tous les deux. Pauvre Raphaël. Salut tous les deux. Bonjour tous les deux. Non mais Raph, je t'ai oublié parce que t'es pas en vidéo, donc du coup... Raph, mets un peu la vidéo juste au moins que voilà, les gens te voient. J'ai failli présenter l'amiral comme le dernier participant. Ah. Bref, toutes ces questions logistiques sont terminées puisque nous allons commencer... ce catch-up spécial avec je vais le faire en sens inverse parce que sinon on va dévoiler notre catcheur préféré, c'est un peu ce que les gens attendent cette année, donc on va commencer par la promo de l'année. La promotion de l'année, alors on a eu je pense cette année de très bonnes promos dans les émissions mais aussi dans ce fameux Talking Smack. Et oui, on leur a piqué le nom, c'est normal. Donc du coup voilà, il va y avoir beaucoup de batailles et je vais choisir tout d'abord Monsieur Ringside en premier. Promo de l'année, et alors c'est promo de l'année et pire promo de l'année. Donc on a le top et le flop comme vous le connaissez dans le dernier mot, c'est ça. Vas-y. OK. Je vais commencer par le flop, hein, parce qu'on va commencer par ce qui est moins bien, puis on va aller sur ce qu'on a aimé, on va avoir plus de positivité. Donc, du coup, ma promo que j'ai le plus détestée, ça remonte à Fastlane. C'est le Cutting Edge avec Christian et Edge, donc le Cutting Edge Peep Show, précisément, parce que c'était un mix des deux. C'était nul, c'était pas drôle, ça a mis tout le monde mal à l'aise. Il n'y avait même pas de pop ni pour Christian ni pour Edge, ce qui est quand même super rare pour deux revenants comme ça. Et puis en plus, c'était dans un pay-per-view, ça avait rien à faire là. Voilà, on s'est bien fait chier. Donc pour moi, c'était ce qui était le plus nul cette année. Ils n'avaient pas invité. Je crois qu'il y a New Day qui a débarqué, non ? Ou un truc comme ça. Ah, ouais, ça. Moi, c'est pas le New Day, la League of Nations, peut-être. Non ? Ouais, ce qui expliquait aussi pourquoi ça. C'était une sale époque. Hein. Oh là là là là. Avant le Brand Split. Voilà, donc un truc super triste et puis qui m'était un peu mal à l'aise. Donc voilà. Et ma promo de l'année, je vais la donner à Goldberg pour son retour à Raw. Parce que pour moi c'était la promo parfaite, on n'en avait pas eu comme ça depuis des millénaires. Voilà, c'est la classe au-dessus, Goldberg. Voilà, en plus une promo de babyface qui casse la baraque comme on en voit rarement à des lieux de trucs comme ce que fait Seth Rollins ou autre. Voilà, donc c'est la première fois que je ressentais un peu ce que je ressentais il y a quelques années quand on avait des méga stars qui étaient là. Oh, Papy Ringside. Papy Ringside, vous parle. Ok. Bah, on va passer rapidement à monsieur Raphaël. Raphaël, au centre de mon écran. Alors, tu m'entends bien, Hank ? Tout, oui, c'est bon. On vous entend totalement. Alors, moi, je vais commencer aussi par le pire. Alors, le pire, j'ai mon petit carnet sous les yeux. J'en avais noté plusieurs. Celui dont j'ai le souvenir le plus douloureux, c'est cette fameuse signature de contrat pour le Hell in a Cell chez les filles. Avec un Mick Foley très lourd, on va dire, sur la douleur que lui a infligé la cage dans sa carrière. Donc c'était, j'en ai un mauvais souvenir. C'était très rabâché. C'était vraiment le cliché du papy retraité qui radote la guerre. C'était dur la guerre. Ouais. ton âge. Et voilà. Et dans les meilleurs, alors bah, je sais plus quand c'était, mais c'était les débuts de la Jericho List, justement, contre, contre Mick Foley aussi, la création de la liste avant même qu'elle ne soit matérialisée, mais son existence était parmi les meilleures promos de Jericho, qui nous a bien régalé cette année sur le sujet. Ok. On va passer l'amiral Armbar, qui enregistre peut-être en vidéo ce podcast. Vous le saurez au moment où vous l'entendrez. Vous serez totalement déçus d'entendre ça. Ce qui fait qu'on sourit tous bizarrement depuis le début, parce qu'on ne sait pas. En ce moment, en fait, on est tous en train de se voir pour quasiment la première fois, je pense. Pour la majorité des... Donc, du coup, non, on est tous dans le même studio depuis des années, là, non? Si tu racontes. Et on a une qualité de micro différente selon les personnes. Et le fond vert. Le timbre de la voix, ça n'a rien à voir. Alors, promo, la pire promo pour moi, c'était le soir du draft donc Brand Split. Il y a eu pas mal de promos un peu backstage pendant l'émission, un peu après. Il y a eu notamment d'excellentes promos ce soir-là. Et il y en a eu une, ce cher Kalisto. Voilà, aïe. C'est trop facile. Donc, Kalisto qui se fait, non, mais elle est fun en plus. C'est pas gentil. Si vous l'avez pas vu, si les auditeurs du podcast n'ont pas vu, allez regarder ça. Il se fait interviewer après la draft. Il commence une phrase à longueur, il sait pas où il va. Puis à la fin, il fait oui, comme je le disais, je suis là pour faire des trucs lucha, quoi. Voilà. Some good lucha thing, pour faire des trucs lucha. Donc le mec, déjà, voilà, son équipe, c'est Lucha Dragon. C'était un peu trop stéréotypé pour son côté lucha libre. Et là, dans sa promo, il dit lucha thing. Donc c'est complètement mais foiré, il s'opère, c'est n'importe quoi. Et pour la bonne promo, la meilleure promo de l'année, je pense pour moi, c'était à Talking Smack. Et c'était donc le Miz. Mais c'est trop facile aussi. Quel choix consensuel. C'est la meilleure promo de l'année pour moi, vraiment, où il se... Daniel Bryan commence à dire au Miz qu'il le catch comme un lâche, et là le Miz pète un plomb, s'énerve et part dans une diatribe de quelques minutes. Daniel Bryan se casse du plateau, Miz finit complètement énervé face au micro. Bref, super promo, moi c'est meilleur. Et le fin. C'était le 23 août, je crois. Il est sur un smartphone et il arrive. Non, mais je l'avais noté celle-ci au cas où. Eh bien, justement, donc c'est à toi, Giscal. Ah, c'est à moi. Très bien. Eh bien, moi, pour mon flop de l'année, je vais mettre une promo qui n'était pas fondamentalement mauvaise, mais qui était un pur accident industriel à cause des bookers. C'était la promo de Lesnar et Paul Heyman à Minneapolis, où ils ont tenté de faire huer Brock Lesnar dans sa ville natale et de faire chanter Goldberg, qui était absolument détesté là-bas, puisque tout le build de la rivalité était fondé sur le fait que les chants Goldberg devaient énerver Brock Lesnar, sauf qu'il était absolument impensable d'en obtenir un seul à Minneapolis. Donc voilà, la promo n'était pas mauvaise en soi, mais c'était un tel flop monumental que ça méritait bien une petite mention. Et puis mon top, bon bah des promos, il y en a eu pareil. Je pense qu'il y en a eu des bien meilleurs, mais celle qui m'a laissé le plus beau souvenir, c'est les adieux de Daniel Bryan le 8 février à Raw, c'était la promo, je pense, la plus émouvante et la plus chargée de l'année pour moi, et celle qui m'est restée en tête pendant un bon moment. Donc je trouve que c'était... Puis il a vraiment la classe, ce mec, donc il avait fait des adieux vraiment superbes, je trouve. T'es vraiment sûr que c'est pas John Cena qui revient à SmackDown cette semaine? Non, c'était pas mal, mais bon... Oh non. C'est pas la nouvelle ère, c'est moi John Cena, je vais vous emmerder jusqu'à la fin des temps. Might have made now. Ça c'était exceptionnel, mais bon, je vais quand même garder Daniel Bryan. Eh bien, c'est au tour de Irem. Ah, merci Hank de me donner Irem la parole. Irem qui a bien ramé pendant trois quarts d'heure pour essayer d'enregistrer en vidéo ce podcast. Donc, en vain. Une nouvelle fois, on ne saura qu'à la fin du podcast. Non, mais c'est bon, je filme avec mon smartphone l'écran. Ça va être super. On offre le meilleur à nos auditeurs. Eh ben écoutez, moi j'ai sélectionné une promo de du boss, ni plus ni moins, Monsieur Vince McMahon. Alors c'était à Raw, le Raw du 21 mars, et c'est, on est alors, Shane McMahon est alors de retour, hein, et il faut un adversaire pour Shane McMahon, et cet adversaire à ce moment-là, ça va être l'Undertaker. Évidemment. Ah, donc c'est ton flop, ça. Ça, c'est mon flop de l'année. Et, d'accord. Ah, j'ai cru que c'était le top. Putain, ça m'a fait peur. Pareil. Ah, tu n'écoutes ouais. pas le supplément SmackDown. Je ne porte pas particulièrement chaîne dans mon cœur. Et Vince McMahon a tout simplement dit, dans une longue tirade, pour vendre un peu, booker la rencontre, hein. D'ailleurs, ça fait un peu un flop sur la fin, que l'Undertaker était tout simplement sa petite salope, sa bitch. Ça m'a choqué. Voilà, il en faut pas beaucoup pour me choquer. Peut-être, j'en sais rien, mais ça m'a choqué. Et j'ai. Tu as raison, Yram. Tu as raison. C'était assez terrible d'entendre ça, d'autant plus qu'Undertaker a à peine vraiment réagi là-dessus, et surtout, ça a donné. Ça t'a donné des cauchemars, genre l'Undertaker qui fait du pole dance et tout. Ah là maintenant, ouais, là ça va me donner. Là par contre, je sais que je vais faire un cauchemar ce soir, mais non, surtout voilà, ça révèle assez bien la mauvaise écriture de cette rivalité ouais. là entre Shane McMahon et la façon peu glorieuse dont il a été réintroduit à la WWE. Je vois bien Vince mettre un billet de $20 dans le calbut d'Undertaker, fait vas-y, va détruire mon fils maintenant. C'est my name. Allez, ma petite salope. Allez, une petite claque et c'est parti. Yeah. Je sais pas si c'était de l'impro ou si c'était préécrit. Dans tous les cas, c'était pas bien, quoi. Il fallait pas faire ça. C'est pas bien. Et mon top, c'est une petite promo qui inclut John Cena. Voilà, qui fera plaisir à Jiscalou. Yes. Et également Dean Ambrose et AJ Styles. C'était pour cool. vendre leur Triple Threat. Je sais plus quel pay-per-view. Et c'était à SmackDown. Pour le Triple Threat de nos merci. Ouais. Exactement. Et c'était à SmackDown. On venait de faire le brand split, je crois. Et c'était chaud bouillant. Dean Ambrose et AJ Styles ont littéralement enterré John Cena à ce moment-là. Et on a AJ Styles qui balance. Sur John Cena, Dean Ambrose aussi, pareil, qui a fait une super promo à ce moment-là, disant que évidemment John Cena c'est la télé, c'est le showbiz, je t'ai pas léché le cul, du coup c'est pour ça que j'en suis là et toi t'en es toujours là. Et je crois que ça se conclut par la meilleure promo de John Cena de l'année, à savoir un gros coup de poing dans la gueule. Ouais, il parle pas cette promo. Il parle pas, donc j'ai bien kiffé. C'était le SmackDown du 13 septembre. Voilà, je précise. Respect. Et il nous fait son historien. Normalement, c'est ringside l'historien. Mais mais c'était pas la promo justement où en plus Ambrose il pourrit Ziggler. Il lui fait une promo super réaliste sur sa vie, un truc comme ça. Non, c'était pas ça. Non, c'est la promo où ils sont tous les trois, John, comme il dit, Irem, John et Cena essayent d'en caler une et à chaque fois il se fait couper et il se fait défoncer par les deux. C'est ça. Ouais. Autant pour moi. En sandwich. Mais celle-là, en tout cas, c'est la petite rivalité entre Ziggler et Ambrose. J'aurais pu sûrement en mettre une des promos, mais que j'ai mis. Celle que j'ai mis du coup, parce que le flop, je vais pas être original. En fait, le truc, c'est que mon top et mon flop ont déjà été cités, donc ça va pas être très excitant. C'est qu'il fallait du backup. Donc, le flop, c'est bien sûr la signature du Hell in a Cell match entre Banks et Charlotte. C'était une foutue calamité de bout en bout. C'était la cata, ouais. Même Charlotte a pas réussi à s'en sortir, pourtant je pense que c'est la seule qui aurait pu, mais vraiment ouais. C'est à ce moment là que j'ai commencé à comparer Jiscal, arrête de me déconcentrer. T'as un truc là, il fait des cheveux avec sa caméra. Ouais. J'ai un truc là, c'est ses cheveux. Non, juste là, ouais, là. C'est des cheveux, ça. D'accord, ce sont des cheveux. Bref, donc cette promo. donc ouais, c'est le moment où j'ai commencé à comparer Mick Foley à Christian Clavier et ça a continué après, mais ouais non, c'était terrible, et puis elle répondait pas, il leur gueulait dessus, il leur disait regardez-moi dans les yeux, et non seulement elle regardait pas dans les yeux mais elle répondait pas, elles étaient pas agressives, elles semblaient pas vraiment agressives, il y avait même pas de tension entre les deux catcheuses parce que elles semblaient juste perdu. Donc vraiment, ouais. Et c'est dommage parce que voilà, c'était censé être un moment de l'année. Et malgré le fait qu'elles ont fait parmi les meilleurs matchs de l'année, les deux fois où on leur a mis une stipulation qui était historique, le Ironman match et donc ce Hell in a Cell, les deux fois, le build était nul. Le build. La construction, l'architecture était nulle. Donc voilà. Bon, on va dire très moyenne. Et donc, bref, la meilleure promo de l'année, bah, c'est bien sûr le Miz. Attacking Smack. C'était génial. Et en plus, c'est genre de promo, genre tu peux la re-regarder et tu renotes des trucs qui dit que t'avais pas forcément tilté. Et il dit tellement de choses dans les deux. Il est fort. C'est ultra détaillé et méchant et. Ce qui est très fort aussi, c'est que quand on écoute justement les arguments du Miz, qui est clairement bon, le heel hein, dans cette storyline comme dans tous les autres où il est impliqué, c'est que finalement il n'a pas tort sur plein de points. Et souvent c'est quand les heels sont géniaux, c'est quand ils ont raison sur des points. Et là le Miz est vraiment dans l'énervement et le ras-le-bol, c'est presque. Enfin, il le vit vraiment, et il n'a pas tort. Daniel Bryan se casse en plein milieu, ça démarre une feud qui est toujours un peu en filigrane. Hein, donc Et cette promo a défini aussi le personnage de Bryan pendant tout le reste de l'année. Ouais, c'est ça aussi. Un sale con. D'autres gens qui lui ont cherché des noises par la suite. Le Miz a été le premier à enfoncer la porte, et ensuite il y a eu Baron Corbin qui lui a cherché des noises. Il y en a eu d'autres, etc. Alexa Bliss aussi, ouais. Bah, tous les heels qui vont Talking Smack. On peut maltraiter Bryan, ça passe bien. Ça fait des vues sur YouTube, donc il faut y aller. Écoute, moi, Hank, j'avais aussi mis celle-ci en top, hein, mais bon, histoire de varier un petit peu, j'ai donné l'autre, mais je suis 100%. Non, mais sans se concerter, on en a quand même cité pas mal, c'est pas mal. Oui, j'ai fait la mienne. Et je passe en dernier aussi. Hein. Eh oui, c'est ça qui est dur. Sur ce que vous dites. Donc, on va passer à la deuxième catégorie, qui est bien sûr la catégorie tag team. Ouais, faction, ça va être plus compliqué. Bien sûr. C'est bien celle-ci, la deuxième. À géométrie variable. Non, mais parce qu'en fait, je fais les choses en sens inverse, mon cher. IRM. Je sais pas si c'était IRM qui me parlait, parce que j'arrête pas de switcher entre les fenêtres. Si, c'est moi. Donc voilà, histoire de garder le catcher pour la fin. Donc voilà, les tag teams, on va commencer donc du coup là dans le sens inverse. Bah tiens, IRM, c'est à toi. Oh punaise. Alors, je vais vous la prendre. En flop. Écoute, je pense deviner qui l'ami Raphaël va mettre en flop. Du coup, j'en prends un autre. Je prends la League of Nations. Ah. Voilà, League of Nations. Voilà, et ben voilà, vos réactions résument bien le... Il n'existe plus. Souvenez-vous de la League of Nations, ce rassemblement hétéroclite de jeunes Européens barbares et huileux et barbus. Je ne sais plus quand est-ce qu'ils se sont formés. Je me souviens par contre quand est-ce qu'ils se sont déformés, puisque c'était cette année. En deux fois, En deux temps, au fur et à mesure des gens qui se faisaient virer, quoi. On se souvient de Wade Barrett, la dernière apparition de Wade Barrett, et c'est ça qui est triste. À la WWE, il s'est mangé un bro kick. Mais voilà, la League of Nations, c'était des bons moments quand même. Rusev qui était Television Champion, je crois qu'il était encore dans la League of Nations peut-être à ce moment-là. Oui, c'était pendant le Rumble. Mais voilà, c'est dommage. Television Champion. Ouais, tu te souviens pas, c'était au Rumble, je crois, il se fait virer, Rusev, hein, et il repart avec un écran de retransmission du bureau des commentateurs, et à ce moment-là, il dit... I am the real TV champ. Donc voilà, c'était des bons moments, mais c'était trop tourné vers la comédie, et ils se sont fait laminer, je crois, par tout ce qui passait, un New Day, évidemment, mais... je crois aussi à un moment il y a eu des vieilles stars qui sont passées par là et WrestleMania ouais. Ah oui, Stone Cold, Mick Foley, ils se sont fait botter le cul, ouais. C'est dommage, il y avait un gros potentiel parce qu'il y avait comme Sheamus, c'était à l'époque World Champion, je crois qu'il était encore dans la League of Nations. Ouais. Mais sachant qu'à tous les cas, ça avait commencé. Non, c'était l'année dernière qu'il était champion. C'était l'année dernière, mais ça avait commencé comme ça. Ouais. Il avait caché sur Roman Reigns sa mallette et il était devenu champion. Ouais. Ouais, en fait, t'avais quand même Sheamus, Rousseff, Alberto Del Rio, Wade Barrett. Sur le papier, c'est beau. John Cade quand même normalement. Voilà, c'est voilà, on a des voilà un bon exemple de t'as beau mettre 4 mecs talentueux, t'en fais rien. Mais quand tu sais pas les booker, ouais, c'est pas les mettre ensemble qui va les rendre plus intéressants. D'accord. Hein. Et puis donc bah mon top, je vais faire dans l'évidence, hein. Les New Day, ils sont 3. Ils ont relancé la Three Bell Rules. Ils ont battu tous les records possibles et inimaginables, même ceux dont on avait oublié l'existence, hein, puisque il y a eu plusieurs itérations du titre et du coup il a fallu battre toutes ces itérations. Donc chapeau, hein, les mecs. Même si sur la fin ça s'est essoufflé, hein, clairement, c'est dommage en termes de rivalité, d'intensité, ça n'a pas été très constant, mais on peut au moins on est presque obligé de leur décerner. Je le fais par obligation, on va dire. Plus que par... Ben merci à toi. Je me suis sacrifié, voilà. Ouais. Non, mais c'est bien. Ils ont relancé un peu la dynamique de... Ouais, non, même pas. Ils ont pas relancé la dynamique de la scène tag team. Si je peux me permettre, je suis pas du tout d'accord avec ce top. Hein. Ouais. Tu pourras le tracher totalement quand tu le lances. Tu vas pouvoir le tracher. Voilà, c'est fait au moins. Chacun son temps de parole. C'est au tour de Giscal. Ah, très bien. Le flop, il était bien ton flop, parce que je les avais complètement oubliés, la League of Nations. Non, mais bon, du coup, je vais citer un autre flop évident. Enfin, évident, on verra. Mais pour moi, le gros flop, c'était Gallows et Anderson cette année. Parce que j'ai eu le sentiment que cette année, en fait, ils ont raté tout ce qu'ils ont entrepris, en fait. On portait de grands espoirs dans leur arrivée à la WWE aux côtés de AJ Styles, et finalement, AJ Styles s'est très très vite envolé et les a laissés sur le carreau. Dès les premières semaines, les deux premiers mois, j'ai eu le sentiment. Et puis après, ça a été une longue traversée du désert pour eux. Une année où j'ai pas souvenir d'un match exceptionnel, et à chaque fois qu'on avait l'impression que potentiellement ils retrouvaient un semblant d'agressivité, un semblant d'intérêt, c'était balayé la semaine d'après. Donc c'était constamment médiocre. Ils ont été empêtrés dans des feux de compliqués avec le New Day, vraiment vraiment chiante au possible. Donc voilà, bon, ils m'ont pas enthousiasmé cette année, et ils méritent le flop vu les espoirs qu'on plaçait en eux à la base. C'est les scénaristes qui sont laissés sur le carreau. Hein. Ah oui, mais bon, voilà. Malheureusement, ils ont été complètement laissés de côté, et c'est bien dommage. Et puis moi, mon top, je serais moins fataliste, mais mon top, c'est le New Day aussi. Pas parce qu'on est obligé, mais bon, parce que... La tête 400, de ringside. 483 jours de règne, c'est quand même exceptionnel. Donc c'est l'équipe. Oh my God, oh my God. Pour des présentateurs du supplément SmackDown, vous représentez bien les tag teams de Smack. Non, mais bon, les tag teams... La tag team de Smack qui était au top, c'était Rhino et Slater. Donc bon, c'est plus compliqué, quoi. Mais non, mais le New Day. C'est génial. 400... Il a des gosses, quoi. Attendez. C'est 483 jours de règne. Tu peux pas occulter ça, quoi. C'est. Mais le gimmick des trackers, quoi. Quand tu penses équipe cette année, tu penses New Day, quoi. Ils ont été partout, ils ont été au top, ils ont tout gagné. On commençait à s'enlacer un petit peu sur la fin. Donc c'est vrai que les awards de fin d'année ont un petit goût amer parce que c'était très long. Mais on peut pas occulter le fait qu'ils ont été au top toute l'année et même celle d'avant. Donc c'est exceptionnel quand même ce qu'ils ont fait. Donc voilà, c'est mon top aussi. Ok. C'est au tour de monsieur l'amiral. Mon flop, ça va être The Ascension. Oh, les pauvres. Ouais, qui font rien, vraiment. Je crois que c'est le stéréotype typique des gens d'NXT qui cartonnent à NXT et qui ont un gimmick. Oh, ils étaient vachement over, hein, NXT, ouais, en tag team. Ouais, non, mais attends. À l'époque où personne ne regardait NXT. Non, mais voilà. C'est ça. Et le truc, si tu regardes NXT, franchement, faut être super mauvais pour que le public soit pas en train de gueuler. Hein. Pour vraiment faire de la merde. Pour... franchement, je me souviens d'une époque où ils étaient la team la plus redoutable du roster et ça marchait. Et ils n'ont rien réussi à leur faire faire. En un an et quelques, un an et demi, je sais plus, dans le main roster, ils ont fait, ils ont fait 3 matchs à SmackDown et 12 à Main Event cette année. Enfin, c'est juste lamentable ce qu'ils font. Ils ont juste repackagé, ils ont changé leur maquillage. Ils se sont dit, ce qui cloche, une gimmick, c'est le maquillage. On se refait un nouveau maquillage et ça a marché. Et bah, devinez quoi, messieurs ? Non, c'est toujours aussi nul. Pareil, hein, c'est nouveau scénariste aussi. Les, les rayures à l'horizontale au lieu de la verticale. Voilà. Ouais, ça n'a pas fonctionné sur toi, j'ai l'impression. Degrés, ouais. J'ai pas acheté du tout. Donc voilà, vraiment naze, ils servent à rien. Donc vite, au secours, il faut les sauver, sinon ils vont disparaître. Et je sais pas s'il faut les sauver vraiment. est-ce que vraiment il faut les sauver ? Ouais, ils représentent quand même sur la scène à SmackDown, on a besoin de types comme ça, des gros costauds. Voilà, ils ont quelques fulgurances où ils ont montré c'est des choses. Jobbers, quoi, mais... Ouais, mais on a besoin de types comme eux. Mmh. Voilà. Il en faut malheureusement. Pour le quota. Le top, ça ne va pas être le New Day. Mon top, c'est peut-être une tag team que ceux qui regardent Raw et SmackDown ne connaissent pas encore, j'ai envie de dire, c'est The Revival. Il triche. Mais non, on a dit que c'était ouvert à NXT, je suis désolé. Qui a dit ça? C'était dans un chat privé. C'est moi qui ai dit ça, tu crois quoi? The Revival, c'est simplement la meilleure tag team de 2017 sur le produit WWE. 2017, carrément. Ouais. Non mais ce sera 2017 la meilleure tag team main roster et 2016 meilleure tag team. Non, ils sont juste au dessus de plein de choses, leur style est juste fabuleux. Donc si vous ne connaissez pas encore The Revival, regardez sur internet, vous allez découvrir donc Scott Dawson et Dash Wilder qui sont deux mecs qui font du tag team à l'ancienne, très stratégique, très dans le coup efficace et pas dans la fulgurance de salto et autres. Donc c'est juste un bonheur à regarder. Voilà pour moi. Voilà, l'amiral qui balance du NXT comme ça. Quel tricheur, non mais. On avait dit qu'on avait le droit. Monsieur Rizna. J'ai même dit à Ringside si tu veux nous sortir un match de New Japan. Quoi. C'est comme ça, je ne vais citer que du SmackDown maintenant. C'est pas parce qu'on a. Nous, on a un horizon qui est limité. Que voilà, Ringside, lui, il regarde 120 heures de catch par semaine. D'ailleurs, c'est ce qu'il est en train de faire, je pense, avec son double screen. Hein. Juste à côté, il a un stream de Flow Slam. Le Flow Slam, ouais. Bref, pour finir, il y a de bonnes chances qu'ils arrivent dans le main roster très rapidement, parce qu'ils ont perdu leur titre à NXT, donc on sait comment spoil, ça se passe. Spoil, mais oui, je spoil. Ok, donc c'est No Rules. Star Wars Rogue One. Donc à la fin. Raphaël, c'est à toi. Ta meilleure tag team. Je vais commencer par la plus mauvaise. Hein. Ouais. À mes yeux, alors je sais pas, Yerem, qui tu pensais que j'allais dire. Je pense que tu imaginais que j'allais dire les votes vilains, peut-être. Oh. Surprise. Oui, non, monsieur. Mais. J'ai bien réfléchi et finalement, je vais nominer une équipe qui a peu été en équipe cette année, c'est les Lucha Dragons. Ah. Donc, on en parlait tout à l'heure. N'oubliez pas qu'il y a un an, ils étaient dans un triple threat par équipe TLC de ouf avec les New Day et les Uso. Un triple threat. Un triple threat qui était un des meilleurs matchs de l'année. Hommage à Ringside. Merci. Ouais, moi j'ai... Non, moi je les aimais bien tous les deux, le concept de Lucha Dragons qui avait bien marché à NXT, qui leur faisait une petite gimmick assez facile, mais bon, qui passait bien tous les deux. Et les scénaristes ont décidé visiblement de les séparer plus ou moins. Kalisto a été champion US pour pas grand chose, Sin Cara a servi à rien, Kalisto non plus. Finalement, ils se sont séparés par le brand split sans bruit, tout le monde s'en est foutu, donc c'est quand même. Une équipe sur laquelle, à mon avis, ils auraient pu faire du bon merchandising et qu'ils ont totalement décidé de sacrifier. Parce que les deux séparément, ils ont moins d'intérêt, surtout Sin Cara. Donc voilà, et la meilleure équipe, bon, j'aurais dit le New Day comme tout le monde, mais je vais quand même citer Heath Slater and Rhino, puisque c'est l'autre grande équipe de l'autre show et que ça fait plaisir quand même, ces petites belles surprises qui apparaissent. Qui ne pouvaient pas être scriptés des mois à l'avance, mais qui se sont faits en fonction du public, en fonction du succès des storylines. Donc, Bah, petit coup de cœur, et on sait que là, en tout cas, Heath Slater et Rhino, bon, je connais moins toute sa carrière, mais ils ont vécu un petit pic de popularité et de carrière bien inattendu. Je pense que je pensais pas vivre ça en 2016. Bravo, monsieur. Ouais. Chapeau. Il ronge son frein. Il est tremblant. Il est dans les starting blocks. Il a des choses à dire. Il fulmine. Il a beaucoup de choses à dire. C'est monsieur Ringside. Dégoûté par vos choix. Le flop. Alors j'aurais pu mettre le New Day dans le flop parce qu'effectivement, ils ont battu le record, mais c'était long, c'était interminable et ça a pourri la division tag team depuis plus d'un an. Hein, c'est moi le hit. Et c'est moi le hit. Voilà, j'aurais pu leur mettre le top l'année dernière, mais là c'était trop tiré sur la longueur, tiré en longueur on dit plutôt, hein. Et du coup le flop je le donne aux Dudley Boys, qui sont revenus, qui sont une équipe magistrale, légendaire, et qui n'ont rien fait du tout. Ils ont été utilisés comme des jobbers, ils faisaient les pré-shows, alors que t'as quand même Bob Barré au micro, c'est quand même une bête qui peut en apprendre à beaucoup dans le roster. Donc c'est vraiment dommage de les avoir fait revenir pour finalement en faire vraiment rien du tout. Voilà pour le flop. Et pour le top, alors j'avais choisi The Revival aussi, mais comme ça fait un peu polémique, j'avais un deuxième choix qui était Cesaro et Sheamus. Oh mon dieu! Parce que, voilà, c'est eux qui. C'est ce que je viens de faire, Ringside. Je suis désolé de te couper. Je viens de changer mon choix pour faire exactement la même chose que toi et j'ai pris exactement le même choix. Oh, mais voilà. Vous êtes connectés, les gars! Mais c'est ça. Hein, vous voyez toutes les semaines ou quoi? Troisième tactique. On va organiser un truc toutes les semaines, une émission ou un bordel. Voilà, parce que ça redevient intéressant depuis qu'ils sont en équipe. Ils font un super boulot. Cesaro en tag team, c'est assez phénoménal en fait ce qu'il arrive à faire. Il fait des hot tags de fou. Sheamus, il a jamais été aussi explosif dans le ring. C'est juste un bonheur. Là, le dernier match qu'ils ont fait à Roadblock, c'était magnifique. Ça fait ressortir le meilleur du New Day, du coup. Et voilà, pour moi, c'est l'équipe qui redonne de l'intérêt à la division après le long, long, long passage du New Day, où finalement, de leur, je ne sais pas combien de temps de règne là, on ne va rien retenir au final, à part qu'ils ont enterré des équipes qui avaient un minimum de potentiel. Voilà. Sévère, mais juste. Sévère, mais juste. il va pas être très content des CDC Awards de la meilleure équipe Ringside, je pense. Ouais. Du coup, je passe à moi. Alors c'est compliqué, il faut que j'arrête de passer en dernier, j'en ai marre. Il reste pas le droit de passer en premier. Du coup, alors ma première au début c'était Revival, après bon c'était chez Zao. On va dire que j'étais d'accord. Hein. Non mais je vais dire Cesaro et Sheamus. Plus que parce que bon Revival de toute façon. Ils auront de l'influence, de l'importance sur les divisions forcément quand ils seront là. Pour l'instant, voilà, ils ont brillé à NXT. Ils ont foiré leur montée. Hein. Mais ouais, Sheamus et Cesaro, c'est histoire d'une connerie. pour moi, c'était vraiment. Ça ressemblait tellement à tout ce que fait la WWE. Enfin, ça ressemblait tellement à du bricolage. À, genre, on sait plus quoi faire d'eux. Alors, on va les mettre dans 8 matchs. Et enfin, combien 7 matchs. Mais ouais, mais en fait, il y en avait 8 parce qu'il y avait celui qui comptait pas aussi. Ah bah. Et donc, du coup. On a perdu Hank. qu'est-ce que j'allais dire? Donc, du coup, c'est 7 matchs. C'était genre à l'époque, on était en horreur, quoi. En train de se dire, qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre? Ils vont nous faire chier avec 7 matchs. Et on pensait qu'à une chose, c'est Cesaro. C'est genre, mais essayez de faire quelque chose avec Cesaro au lieu de nous emmerder, etc. Et ça a duré peut-être trop longtemps, mais ça a duré tellement longtemps que ça a tellement, c'est tellement monté que finalement, c'est la mécanique WWE qu'ils le font avec plein de choses, hein, de énerver le public de plus en plus et à la fin de faire quelque chose. Enfin, de faire le truc qui fait plaisir et enfin le tournant qui intéresse. Et là, pour le coup, bah c'est ce moment, c'est ce segment dans le bar avec Sheamus et Cesaro où là ils boivent un coup Et finalement, en fait, toutes les mois de merde qu'on s'est tapé ou eux arrêtaient pas de perdre, etc. Et on se disait, mais il y en a marre qui se chamaillent et tout ça, etc. À la fin, finalement, ça fait une historique, ça fait un vécu avec le spectateur. Et donc, du coup, quand ils sont en train de raconter le truc autour de leur bière, en tant que fan de catch, toi aussi, tu te dis, ah, c'est vrai, vous avez fait des matchs corrects et à chaque fois, ça n'a pas payé, etc. Et à la fin, ils se décident, ok, finalement, en fait, on n'est pas si mauvais. On va continuer ensemble et on va juste pour fêter ça dérouiller tout le monde autour de nous. Et donc, du coup, c'était. Qu'est-ce que t'es en train de faire jusqu'à. Je sais pas, je compte les bières de Ringside, c'est sa troisième là, non? Oui, mais non, mais il a l'air de tenir bien. C'est un grand garçon. Non, c'était pas pour il moi. A un débat à présenter après, mais bon. C'est César Robard, ça lui a donné donc, ça. Donc voilà. Ma femme aussi est alcoolique. Génial, je vais pas en parler pendant 10 minutes. Pour les deux. Mais voilà. Et du coup, j'ai pas donné mon flop. Flop. Et mon flop, bah oui, bah toute façon, c'était déjà cité, c'était Gallows et Anderson, qui sont attends, je l'ai pas sorti. Ah si, oui, du coup en pire promo. En pire promo de l'année, j'étais à deux doigts en fait de mettre The Old Day. Ah, The Old Day, ouais. Gallows et Anderson, qui est un des pires moments de télévision que j'ai vu de toute l'année. Ouais, non, c'est pas faux, de télévision en général. De tout ce que j'ai vu, même des émissions de Cyril Hanouna. Ah, parce que tu regardes les émissions de Cyril Hanouna. Des moments, je tombe dessus avant de regarder, avant de mettre sur le HDMI 1 ou HDMI 2, tu vois. Donc voilà. Un des pires trucs que j'ai vu. C'est vrai que j'étais surpris que ça n'ait pas été cité. Mais c'est vrai que sur les awards. Donc voilà. Et ben, on va passer aux petits jeunes. Je ne parle pas de Raphaël, je parle des rookies de la WWE. et on va commencer justement. Je vais essayer de faire un ordre difficile parce que je vais aller droite à gauche devant mon écran. Je vais commencer par Raphaël, justement. Oui, c'est donc de moi dont il est question. Les rookies. Alors, donc on a dit qu'on comptait NXT aussi, hein. Oui. Ah, alors, bah on l'a dit, on l'a à moitié dit. Alors par contre, on l'a pas dit à tout le monde. Terrible, c'est pas terrible de parler des rookies des NXT parce que là c'est vraiment genre des gens inconnus quoi. C'est, ouais, enfin, c'est compliqué. Tel Samoa Joe alors. Par exemple. il est pas vraiment rookie non plus. Non. Ouais, c'est ça. Moi, c'est dur à trouver un vrai rookie. Moi dans le flop, j'ai mis Mojo Riley. Parce que je l'aime pas. Toi, je t'aime pas. Voilà. Ça, c'est pas gentil, ça. Non, mais j'aime pas. Je cherche un profil. Bon, délit sale gueule. Non, mais bon, il pue, quoi. Non, mais oui. Juste son catch, c'est pas très bon. Et je trouve qu'il y a vraiment une tête de con. C'est le prototype du... Ouais. J'ai l'impression que c'est le cliché de si tu es un anti-cat, tu veux te sortir la gueule d'un catcheur en te disant t'as vu, ils ont vraiment l'air trop cons, t'es, c'est lui. Et, c'est vrai que c'est pas faux. Hey, ça va pas à tout le monde les stickers sous les yeux. Hein. Ouais, ça va à personne. Et du coup, pour chercher le meilleur rookie, j'ai cherché un peu qui cette année est arrivé dans le main roster et à NXT. Et donc j'ai noté un jeune catcheur venu de l'Est qui a signé à la WWE début janvier et qui a commencé à NXT, et c'est Shinsuke Nakamura que je vais mettre dans les rookies WWE de l'année. C'est un peu de la triche, mais voilà. C'est mon rookie. L'amiral il kiffe là. D'accord, il faut que je passe au prochain moi au lieu de faire des Shinsuke. Ça peut être sans pour les bonus vidéo. Personne ne le voit nous. Fait plein de conneries, l'amiral là qui va se chercher quelque chose, enfin il se passe. justement, tiens, hop. Oui. L'amiral, allez. Alors, plus mauvais rookie. Alors c'est un rookie qui était déjà venu il y a longtemps, qui était parti, revenu là dans le main roster, c'est Kurt Hawkins. Qu'est-ce qu'ils ont branlé à Kurt Hawkins? Ils nous ont fait des vignettes sur SmackDown pendant des semaines, pendant 5 ou 6 semaines. Check the facts, qui était pas trop mal, un trip un peu à Chuck Norris, genre Kurt Hawkins et tout de suite tout. Nickel, on attend ça, et il revient pour faire quoi? Bah rien. pas grand chose, perdre des matchs nuls. Enfin, c'est, je n'ai pas compris la hype qu'ils ont essayé de mettre autour de son retour pour ça. Donc, vraiment là-dessus, du booking foireux comme on n'en veut plus. Et en ce qui concerne le top, là aussi, hein, j'utilise une petite astuce qui a été utilisée juste avant par Raphaël. Donc, un catcheur qui a de la bouteille mais qui intègre la WWE seulement cette année. C'était ma position pour le mettre dans ce classement, c'est AJ Styles, évidemment, car oui, même s'il a une carrière longue comme le bras, c'est un rookie de la WWE, et quelle putain d'année il a eu, quoi. Donc du coup, voilà, pour moi, le meilleur rookie nouvel arrivant à la WWE cette année, c'est AJ Styles. Voilà. Ok. Donc voilà, on a terminé les nominations des catcheurs de l'année. Donc AJ Styles. Donc, bah, c'est à Ringside. Attends, je sais plus. Oui, si, ouais, bon, ça peut être à moi. Hein. C'est pas bien, c'est pas bien grave. Arrête de bougonner, Ringside. Je sais que t'en es qu'à un litre de bière, mais ok. Je vois qu'on me surveille, alors je suis obligé de me retenir. Bon, le flop de l'année dans les rookies, moi j'ai mis Apollo Crews. Parce que ça n'a rien donné. Et puis on voit qu'il y a du boulot quand même pour qu'il soit charismatique et intéressant, parce que pour l'instant, c'est d'accord, c'est du bon in-ring. Et il a du talent, mais à côté de ça, il n'a aucun charisme. Et puis ils n'ont rien fait d'intéressant au niveau du booking pour qu'il puisse s'en sortir en même temps. Peut-être montré trop tôt, on aurait dû peut-être rester plus longtemps à NXT. Voilà, en attendant, pour moi, c'est le flop. Et alors pour le rookie de l'année, effectivement, moi j'étais un peu comme l'amiral, c'est-à-dire de mettre AJ Styles, mais comme il l'a choisi, bah, je vais caser quelqu'un d'autre et je vais mettre Ember Moon qui a explosé dans le roster féminin à NXT et qui à mon avis fera des étincelles quand elle arrivera dans le roster dans le main event, parce qu'elle est juste phénoménale. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu catcher, mais en tout cas, elle a un niveau qui est largement supérieur à tout ce qui se fait à côté. Voilà. Son finisher est superbe. Son finisher est superbe. Ouais. On l'appelle The Phenomenal One. Si c'était la Luchadora, ce serait super cool. Hein, parce que si elle débarque à SmackDown, là, en début d'année, là, il va se passer quelque chose chez les gonzesses. Quoi. Qui est la Luchadora? Qui la fasse monter aussi vite? Non. Ouais, franchement, moi, je pense qu'elle est prête. Hein. Alors, encore une fois, s'il la laisse à NXT, c'est la seule qui Triple H qui peut monter sa branle. Quoi. C'est la seule qui peut s'opposer à Asuka actuellement à NXT. Donc ils vont J'ai l'impression qu'elle est meilleure qu'Asuka en vérité. Mais, à voir. La, la, la, la. Alors. Elle a tué Asuka, elle va la tuer, tu vas voir. Oula, petite guéguerre, c'est parti. Ça va pas se passer comme ça. Alors. Giscal. Ah, c'est à toi. C'est à moi. Alors, bon, moi je respecte les règles. Hein, je reste WWE SmackDown Hero. Hein. Bon, bah, dans mes flops. C'est une règle interne de supplément. Voilà. Ouais. Sans pas des coups pour traverser, seul au Yeti respect. Hein, vas-y. Respect. Exactement. Le code de la route. Bon, alors, dans mes flops, bon, moi j'avais noté. J'en avais noté un bon paquet. Quelle belle année. Choisisse. Non, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de rookies cette année. Donc, c'est vrai que Apollo Crews, c'était un bon flop. On aurait pu citer, mais ça aurait été trop long, mais on aurait pu citer tous les Cruiserweight qui sont tous des rookies. Mais c'est difficile d'en pointer un seul du doigt, en fait. Je vais prendre. Merci pour l'idée. Je vais tirer sur une ambulance et je vais dire Dana Brooke. Dana Brooke qui a été pour moi une des catcheurs tout confondu la plus pénible à regarder cette année. Enfin, c'est l'inverse de Midas, quoi. Enfin, elle change l'or en plomb, c'est juste insupportable. Tous les segments dans lesquels elle apparaît, elle a presque réussi à aspirer toute la hype et la bonne humeur autour de Bayley lors de leur rivalité ensemble. Donc voilà, bon, c'est terrible. Dana Brooke, c'est une entrée en matière compliquée. J'espère pour elle qu'elle va s'en relever, parce que je souhaite le malheur de personne. Vous me connaissez, hein, mais bon, ça va être compliqué. Et puis, mon top, c'est pas parce que vous l'avez déjà dit que je vais me retenir. Hein, c'est largement AJ Styles, genre, mais. Pff, à des années-lumière devant tout le monde. Je vous invite, puisque comme ça je vais m'auto-faire de la pub, mais l'article des meilleurs rookies sur le site des CDC est apparu, donc vous pouvez aller voir. Mais enfin voilà, il a fait une, donc il est rookie, mais il a fait une année. Enfin, je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux, c'était juste exceptionnel. Et puis, au lieu de redescendre toute son année, moi, je vais juste dire que bah, finalement, je suis bien content qu'il soit venu. Je l'ai déjà dit plein de fois au supplément SmackDown, mais je suis bien content qu'il soit arrivé à la WWE, parce que sinon, bah, j'aurais jamais probablement pu connaître ce mec-là, et, enfin, ce catcheur-là, qui est juste absolument incroyable. Et donc, bon, bah, voilà, juste phénoménal. Donc, je suis bien content qu'il soit arrivé à la WWE, et puis, bah. Enfin, quelle année, quoi, de janvier à décembre, exceptionnel. Jusqu'au tout dernier SmackDown de l'année, il a été exceptionnel, phénoménal. Donc, c'est très, très fort. Bravo. Il est vraiment... C'est ça. Alors, vas-y, Guérin. Alors, bah, du coup, moi, je vais nominer des mecs qui sont passés entre les gouttes, là, contrairement à ce que je pensais tout à l'heure. c'est les vaudevillains. Les vaudevillains. Ah, ouais. Voilà, hein, les vaudevillains, c'est un peu comme The Ascension. Hein, c'est des mecs qui étaient au top, même si, comme dit Hunk, c'est facile d'être au top côté NXT. Mais en tout cas, leur gimmick fonctionnait. Ça dépend l'époque. Ça dépend l'époque. À l'époque, les vaudevillains, c'était une très vieille époque. Hein. Oui, c'est plusieurs siècles. C'est les vaudevillains, ils ont une gimmick casse-gueule, mais ils la tiennent bien. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a effectivement eu un petit souci là au niveau des bookers. Je pense que d'avoir failli tuer Enzo Amore a peut-être. Je pense que ça leur a fait mal. Ils sont retournés au fond de la niche pendant quelques mois, ils ont jamais réussi à revenir. Pourtant, ils avaient réussi à faire une super promo justement à ce sujet-là sur Enzo Amore en disant que c'était les mecs les plus chauds de la Emergency Room. donc ça, c'était plutôt pas mal. Mais voilà, les vaudevillains, je sais pas. Pour moi, c'est un flop, mais c'est pas irrattrapable en fait. C'est comme plein d'autres équipes à SmackDown. La scène tag team à SmackDown, elle reste encore à construire. Et surtout après ce qui s'est passé dans le dernier SmackDown. Mais voilà, ouais, pour moi c'est un flop parce que pour moi ils méritent d'être un peu plus haut dans la carte. On se souvient qu'ils avaient quand même eu un title shot suite au tournoi hein, face au New Day, et puis après bah, plus rien. Et mon top en Roxy Rookie là, comme dit Hank, et ben je vais le décerner à Alexa Bliss. Voilà, Alex, Madame Bliss, Little Miss Bliss, et ben voilà. Bah oui, mais voilà, maintenant on peut plus dire mademoiselle. voilà, à l'ombre, je dirais, des Four Horsewomen. On nous a un peu bourré le mou avec les quatre stars là qui venaient de NXT justement. et elle n'avait pas gagné hein, le championnat non plus à NXT. Et pourtant, elle a réussi à faire sa place. Et quand il a fallu trouver une heel à mettre en face de Becky Lynch, qui était un peu la championne. Tellement évidente et tellement naturelle, avec tout autant de mérite. J'ai trouvé ça bien et ça reflète pas mal l'esprit de SmackDown où vraiment, on se souvient hein, de la... Bon, on en parlera peut-être plus tard hein, au débat, mais suite à la brand split, le draft de SmackDown paraissait très léger, très déséquilibré. On avait vraiment du star power avec Cena, Randy Orton, et puis en face, c'était vraiment des rookies qui avaient encore tout à démontrer. Et ben Alexa Bliss, elle a réussi. On a vu la progression. Je vous invite vraiment à regarder les Talking Smack de ses débuts, ses premières interactions. Je pense que vraiment ça lui a fait beaucoup de bien. C'est une des meilleures idées hein, qu'ils aient eues, Talking Smack pour les rookies. Hein. Baron Corbin est passé par là, Alexa Bliss aussi. Et il en ressort toujours que du bon. Donc voilà, chapeau à Alexa Bliss et j'espère qu'elle va continuer comme ça son règne de terreur et encore longtemps. Bravo madame. Chapeau. Ah, voilà. Chapeau. Voilà des belles paroles. J'ai une petite question. Totalement d'accord. Une question Oui monsieur. Là, enfin. Question de Raphaël de Longjou. Oui. Tu as tout à fait raison Irem, mais tu as parlé des débuts d'Alexa Bliss. Ça m'a rappelé qu'au début elle était aux côtés de Blake and Murphy. Et moi qui ne suis plus trop la TNA ces derniers jours, est-ce qu'ils existent encore ou pas? Ils sont séparés en fait, ils catchent toujours, mais ils catchent chacun de leur côté. Je crois qu'il y en a un qui est encore à NXT, il y en a un qui est encore à NXT, il y en a un autre qui est genre dans les indés et tout, je crois. Donc ça serait parmi les premiers ou en tout cas les rares mecs qui ont gagné des ceintures à NXT et qui sont jamais montés parce qu'ils ont été champions par équipe, non? Oui, pendant un temps, ouais. Corey Graves n'est jamais vraiment monté, mais c'est un débat. Oui, il est partout. Voilà, il est quand même là, mais il présente 4 émissions par semaine, les gars. Il s'en sort bien. Ouais, sachant que pour répondre à ce que dit Raphaël, Black et Mortimer. Mortimer et Murphy, ils ont gagné le titre NXT quand ils sont arrivés à NXT en fait. Ils ont arrivé premier match par équipe, ils chopent le titre. Donc c'était un peu une façon de les instaurer. Donc ils ont été champions comme ça parce que c'était l'angle d'écriture. Mais une fois qu'ils ont eu le titre, ça n'a pas pris en fait. La sauce n'a pas pris et ils l'ont perdu assez rapidement. Malgré le fait qu'ils avaient une troisième personne dans leur corps. Mais en fait, c'est qu'ils n'avaient pas de gimmick à part Alexa Bliss, quoi. Ils auraient jamais dû enlever Alexa Bliss. Ils sont pas mauvais, ils sont pas si mauvais que ça au micro, hein. Ils avaient fait des trucs sympas et tout. Mais ça s'est terminé, ils se sont fait péter la gueule par Samoa Joe quand il cassait la gueule de tout le monde là, pendant les shows. Il avait tué un Allemand là, qui débarquait, film de Black là. On a enfin eu notre vengeance. Voilà. Le jour mais le plus long avec Samoa Joe. Donc je sais pas si on les reverra en fait. Parce que tous ceux qui sont fait tabasser par Samoa Joe sont pas revenus. Hein. Donc, Il me semble que c'est Murphy qui est encore. Je l'ai vu dans un match il y a pas longtemps sur NXT. Mais ouais. Alors du coup, parce que moi je dois changer à chaque fois. Genre, j'écoute tout le monde et pendant ce temps-là, je change mon truc et tout. Heureusement, mon top n'a pas été pris, mais je triche un petit peu. Mais c'est normal, c'est moi qui fais les règles, donc on s'en fout. Mon top, je vais commencer par donc le flop. Le flop, j'ai piqué l'idée à, je sais plus qui parlait des cruisers IRM. C'est l'autre. Ah non, c'est jusqu'à. C'est l'autre. C'est l'autre. Je sais pas où il est, monsieur tout bleu là. Vous parlez bien là au Supsmack. Donc au début j'avais pris Apollo Creed mais voilà Apollo Crews plutôt. Oui, bon, non mais j'ai noté Apollo Creed j'ai noté Apollo Creed exprès en plus. TJ Perkins. Terrible chute. Une chute sur le terrain. TJ Perkins après un très bon Cruiserweight classique. Où tout le monde l'avait remarqué, ça faisait partie des 3-4 gars pour lesquels tout le monde était excité et tout ça. Et à ce moment-là, il n'était pas encore costumé en Megaman. Et il n'était pas encore en train de nous faire des promos avec des références datant de 25 ans, genre comme si les jeux vidéo aujourd'hui c'était la NES et qu'on appuyait sur des boutons reset et des trucs comme ça. Les jeux vidéo d'aujourd'hui c'est la NES, hein. C'est le cadeau de Noël 2016. Ah oui, elle vient de ressortir. La mini NES. Le rétro gaming. D'or, hein. Je t'envoie la mienne. Le rétro gaming, le rétro. Ouais. J'en ai deux, je les vends si vous voulez. Hein. Ouais, bon, franchement, je m'en fous. Et donc, du coup. catastrophique. Toutes les promos qu'il a faites, il n'y a rien à regarder ou à garder. Et il a juste fait des. Plutôt bon match, qui n'était pas vraiment au niveau de la storyline super bien construit. Kendrick, l'interaction avec Kendrick, ça marchait moyen. Ils avaient vaguement quelque chose à faire, mais son personnage gâchait toute la rivalité, je trouve, en fait. C'est lui qui gâchait le truc par le fait qu'on ne pouvait pas le prendre au sérieux. Qui gâchait le truc, c'est les scénaristes, etc. Et les mecs qui ont décidé qu'ils seraient costumés avec une espèce de truc de cosplay en plastique fluo dégueulasse. Donc, avec sa petite dent quand il arrive. Le dab. Il est bon pour aller à la Japan Expo, hein. Ouais. Nickel, hein. C'est pas un problème. mais il a aussi fait les frais des pots cassés parce que c'est le premier cruiser sur lequel il y a eu un essai de storyline aussi. Donc c'est ça aussi, ils ont essayé de faire une storyline des cruisers avec lui et Kendrick et c'était pas bon quoi. Donc il a vachement qu'il a payé un peu pour ça. Dans cette storyline, il y avait quand même beaucoup de en fait, t'essayais de mélanger un gars qui fait des références à des jeux vidéo d'il y a 20 ans et une histoire d'amitié super sérieuse, de trahison super sérieuse et tout, et ça avait juste aucun sens. Ça ne marche pas. voilà. C'est les Sims en fait, c'est intéressant que les Sims, ouais. C'est ça, voilà. Ça mélange de tout. En fait, il a la personnalité pour faire des trucs comiques, enfin il a un personnage pour faire des trucs comiques, et on met une rivalité sérieuse, ça ne marche pas. Et donc mon top, qui n'a pas été cité donc. Braun. J'ai cru qu'il allait dire Brock Lesnar et que ça allait être très très long. Non. C'est Braun Strowman qui était là avant, on sait, etc. Mais sa carrière a véritablement débuté cette année. Mais oui, il est arrivé en 2015. Non, mais il triche. Non, il fait que tricher de toute façon. Depuis le début, il fait que. Eh, hey, ces matchs solo, ils ont commencé cette année. Hein. C'est tout. Tiens, regarde, IRM s'en va, bravo. Tout le monde s'en va, tout le monde s'en va. Tout le monde s'en va. C'est une honte. Rien à foutre. Mon gros nounours, Braun Strowman. Oula, ça devient très bizarre. Était fantastique. Il a eu sa petite période de squash où on se disait, est-ce que ça va continuer pendant 3 ans parce que ça commence à durer longtemps. Et puis après, on a réussi à l'insérer dans des segments avec Owens, avec Jericho, avec plein de... Enfin, des mecs à droite à gauche. Même le moment où il croise Ellsworth à Survivor Series était génial. Il est fantastique. À chaque fois qu'il a une petite phrase, il a pas grand chose à sortir, mais il le fait tellement bien. Il est vraiment bon dans le ring, et j'en atteste parce que je l'ai vu live à Lyon. Les yeux vus. Ouais, mais alors dans ce cas-là, c'est comme ringside dont le ringside, son catcheur préféré, c'est devenu Titus O'Neil après l'avoir vu en live. Alors donc bon. Non mais ringside, il touche les catcheurs en live. C'est autre chose. C'est différent. Et après, vous serez satisfait de même les plus nuls. Toucher la marchandise. C'est tout de suite une histoire de prix. Donc voilà. Non, mais vraiment, Braun Strowman, génial. Et j'ai vraiment hâte de le voir. Pareil, on n'a pas vraiment de big guy. À part justement le big guy. Si, quand même, si. mais donc voilà, il n'y a pas vraiment de monstre. À part du coup Lesnar qui vient genre tous les 3 mois pour récolter un demi-million d'euros. Mais sinon, voilà. Strowman, il va faire, je suis sûr, des très bonnes choses en 2017. Et il a fait une très bonne fin d'année. Genre les 3 derniers mois, moi, je l'ai adoré à chaque fois que j'ai vu. Voilà. Donc, on va passer. Ce segment rookie a duré très longtemps. On va passer au match qui va durer encore plus longtemps. Non, il faut qu'on accélère. Allez. Ça va être dur d'accélérer sur les matchs. Je vais prendre mon sens inverse encore. IRM, c'est à toi. Alors, match, qu'est-ce qu'il a mis? Attendez. Qu'est-ce qu'il a mis le match, le gars. Top, flop. Attendez, j'étire ma fenêtre. Alors, il a mis en flop Dean Ambrose versus... Braun Strowman, non je déconne, Brock Lesnar. Ah oui. WrestleMania, je crois. Ouais. Ouais, ouais. Ça. Dans un street fight. Une daube. voilà. Disons, en fait, c'est vraiment typiquement voilà l'illustration parfaite d'un bon booking, hein, parce que franchement, Dean Ambrose, quand un mec se lève face à Brock Lesnar, ça fait toujours plaisir. Dean Ambrose, je me souviens, était arrivé, moi j'avais mordu à l'hameçon, on va dire, le fait que Dean Ambrose vienne se frotter à Brock Lesnar. Maintenant, dans la réalisation, c'était nul. En plus, à WrestleMania, c'était en plus au mauvais pay-per-view. Donc voilà. C'est mon flop. Un de mes flops de l'année, on va dire. J'en ai d'autres. Hein, mais celui-ci était quand même pas folichon. Après, pour mon top, qu'est-ce que j'ai mis? Il a mis Kevin Owens versus Sami Zayn. Battleground 2016. Voilà. Voilà comment. C'est l'écriture parfaite. Deux storytellers aux manettes, Kevin Owens, le roi Mr. Wrestling, Monsieur Catch, versus Sami Zayn, des moves de ouf, et surtout une histoire avant et pendant, peut-être un peu moins après, c'était un peu moins bien géré l'après, je pense, mais... En même temps, c'était la fin, hein. C'était annoncé comme la fin de leur histoire. Donc c'était censé être l'après. Voilà, même s'il y a un compte Booker qui les a remis l'un contre l'autre plus tard, à Raw, il n'y a pas longtemps, pour rien. Naze. Ouais. Sinon, c'était la fin de leur histoire. Donc c'est normal que derrière, il n'y ait pas grand-chose. Oui, bien sûr, mais non, mais c'est justement le fait qu'il n'y ait pas grand-chose, mais quand même encore un petit peu quelque chose qui m'embête. Mais bon, c'est pas très grave. Ouais, super match, des moves de dingue. Et puis, ouais, puis ce storytelling, enfin, Kevin Owens, c'est vraiment un catcheur à non seulement à regarder, mais à écouter pendant ces affrontements. Voilà, donc bravo, messieurs. Bravo. Chapeau. Chapeau, messieurs. Chapeau, Kevin. Allez. Chapeau, Samy. Voilà, on va arrêter de dire chapeau, hein. Et puis on va dire chapi. Chapi. Bon, allez, je fais random ringside. Ouais. Alors, le flop. Comme ça, on aura le Sami Zayn deux fois de suite, c'est bon. Voilà. C'est, mais non, pas du tout. Mon flop, c'est Y2J contre Dean Ambrose dans l'Asylum match à Extreme Rules. Qui était juste nul à chier du début à la fin, stipulation à la con. Dean Ambrose, voilà, donc apparemment il avait rien pu faire à cause de Brock Lesnar quand ils avaient fait leur affrontement là que IRM vient de citer. Tout était la faute de Brock Lesnar parce qu'il n'a pas voulu prendre les idées de Dean Ambrose. Ben là, on a vu les idées de Dean Ambrose en action et ça donne de la merde. Voilà, c'est nul à chier du début à la fin. Et en top, bah moi j'ai mis John Cena contre AJ Styles à SummerSlam. Voilà, vous parce que faites chier, vous les vous deux. Tout. Ah ouais, mais bon, ah, ça arrive d'une courte tête hein, devant Kevin Owens contre Sami Zayn également. Et moi j'avais beaucoup aimé aussi le Gargano contre Ciampa au Cruiserweight Classic. Mais il y avait tout dans le AJ Styles contre John Cena, c'était il y avait le côté méga star, le côté star power en plus, et tout le talent d'AJ Styles et tout le talent de Cena, voilà, condensé dans un match, c'était du pur bonheur. Voilà. J'en dirai pas plus chapeau. Parce qu'il faut qu'on fasse vite quand même. Chapeau, chapeau. Du bonheur en barre. Vas-y, Raph. Raph, on ne te voit plus. On ne te voit plus. Oui, on ne me voit plus, j'en t'entends plus, désolé, mais c'est mieux comme ça, je vous l'assure. vous m'entendez plus? On t'entend. Si, c'est bon, vas-y. Vous m'avez fait peur. Et ben pour mon flop, jamais 203, on part sur un triptyque Dean Ambrose. Ah. Parce que, moi, mon flop, même si c'était c'est pas la carrière un match de Dean Ambrose. vous avez cité deux matchs qui étaient vraiment... Non, attendez, je fais monter la sauce. Et non, moi j'ai eu. C'est un match qui était très attendu et qui m'a beaucoup déçu. C'est le Dean Ambrose versus Dolph Ziggler à SummerSlam pour le World Heavyweight Champion. Il y avait une grosse storyline. Vous l'avez rappelé, il y a eu des passages. Oula. Vraiment, Ziggler qui a. On est en train de te perdre là, Rafa. Ouais. Passe dans un tunnel. Dean Ambrose. Pas mal de ce match. Non. Alors Raph, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme dans les vraies émissions télé, c'est-à-dire que je vais passer à quelqu'un d'autre et après on va revenir à toi. À Diffoul. Alors, et ben Monsieur Armbar, c'est parti. Yes. Alors le flop, j'avais à la base le même flop que IRM. Le Ambrose Lesnar, donc effectivement à WrestleMania. Je vais changer pour un autre match de WrestleMania, le main event de WrestleMania, hein, Roman Reigns contre Triple H pour la ceinture. C'était à chier. Comment tu peux considérer que le main event de ton scandale. Gros pay-per-view, qui est la plus grosse affluence de tous les WrestleMania, le main event ce soir, Roman Reigns contre Triple H. Deux matchs. Voilà, non mais deux matchs. C'était nul dans le ring, dans le build c'était nul, l'intérêt était nul. Triple H, voilà, c'est le corporate. Roman Reigns, on nous le fout dans le gosier depuis un an et demi. Il faut l'achever, mais non, là c'est la consécration dans un match où il n'y avait aucune réaction. Techniquement, c'est même pas bon. On avait presque l'impression que Triple H, il voulait planter le match, on n'en sait rien. C'était à chier. Pour un main event de WrestleMania, c'était mes pires botches qu'ils ont fait de mémoire de WrestleMania que j'ai vu de ma vie. Hein. Je ne veux pas être associé avec cet individu. Eh ben, ne le sois pas. On retourne vers un mec Wish, là. Je pense que pour une fois, Giscal, ça va être vraiment dur que trouve quelqu'un là dans l'équipe qui a aimé ce match. Hein. Là, faut ouvrir les yeux. Bien seul. Faut ouvrir les yeux un jour. Là, c'est difficile. Enfin, tu me diras, en regardant ce match, c'est difficile d'ouvrir les yeux parce qu'on s'endort en ma vie. Mais c'est le main event, c'est pour la ceinture, c'est entre le CEO et la nouvelle top baby face à la corporation, et c'est foiré du début jusqu'à la fin. Quoi. C'est le vautrage intégral. Quoi. C'est, bon, on voilà. va, on va retenter. Ouais, ah oui, non. Et mon top, là, je vais garder le choix que j'avais de base, qui était celui-ci de IRM, donc le Sami Zayn Kevin Owens Battleground. Je vais pas refaire l'histoire. Surtout que je rajouterais que j'ai vraiment aimé, c'est la psychologie entre les deux dans le match. Notamment sur le finish. Ah oui. Sami Zayn cale donc son Elua kick à Kevin Owens, qui lui tombe dans les bras inconscient. Et là, il y a un arrêt de quelques secondes où on sait pas ce que Sami Zayn va faire. Et finalement, le recal pour le remettre un second. Bref, niveau incroyable. Les deux catcheurs, il y avait un truc qui se passait dans le ring. Normal, c'est des vrais amis depuis vachement longtemps, donc ils se connaissent bien, mais voilà. Je crois qu'il lui dit un truc du genre « je suis désolé » ou quelque chose comme ça. Et lui, il lui fait une Shawn Michaels, quoi. Une Shawn Michaels Ric Flair. Exactement. C'est un peu ça. Donc voilà. Alors, Est-ce qu'on a retrouvé Raphaël ? On retente le petit Raph. Petit Raph, oui. Oui, vous m'entendez ? Ah, oui, c'est très bien, là. Elle retente, là. Donne tout. Alors, je donne tout très rapidement. Donc, mon flop, c'était ce Dean Ambrose Dolph Ziggler dont on attendait beaucoup à SummerSlam. Et qui était pourri. Ouais. Et le top ? Ouais. Et ton top, du coup ? Non, mon top, du coup. Ouais. Et mon top, alors ben, ça va être encore du Sami Zayn. Et moi j'ai noté le Sami Zayn versus Nakamura qui était à je sais plus quel takeover de NXT. Non, ouais. Mais c'était, ça triche partout. Ah ben non, c'était bien. Je confirme que le main event de WrestleMania était aussi sur ma liste et je vous invite à lire mon article sur les cahiers du cast sur le meilleur du pire de cette année parce que je l'ai nominé aussi. C'était nul. Ah, très bon article d'ailleurs. Super. Merde. Voilà. pas du tout partisan. Mais le Zen Nakamura était juste fabuleux. Daniel Sami Zayn à NXT. Ça y est, on a relancé l'amiral. Putain, fais chier. C'est bon, je m'arrête. J'en étais où ? Qui a pas donné son top ? Moi. Après, on a pas entendu Sina Ourel. D'accord, c'est le gamin au fond là. Eh, hey, lui là-bas là. Eh, hey, je passe tout le temps en dernier, donc pour une fois, je vais pas passer en dernier. Vas-y. Alors, donc du coup, t'écoutes, vas-y. Le pire match. Mais s'il vous plaît. Donc, le pire match, bah, je vais pas faire original. Et puis, pendant que vous étiez en train de parler, j'en ai pas trouvé un autre. Donc, du coup, ouais, ça va être Ambrose Lesnar à WrestleMania. C'était juste nul. C'était nul. Et donc, du coup, le top. Cette fois-ci, je vais faire original. J'en avais pris deux et heureusement, il y en a qu'un seul qui a été chopé. C'est le False Count Anywhere match de Banks et Charlotte à Raw. Il y a quelques semaines, j'ai pas eu le temps de regarder la date là. Mais, je vais donc, te la donner. Donc, un match fantastique que j'ai trouvé meilleur que leur Iron Man match. Ouais, et presque. Meilleur que le Hell in a Cell. Mais j'ai adoré ce match. Je pense que c'est leur meilleur match de l'année. Enfin, normal, de toute façon, si c'est le match de l'année, c'est leur meilleur match de l'année. C'est 28 novembre. Voilà. Mais donc, que des spots de ouf. Le moment où elle monte sur la table des annonceurs, le moonsault là, sur Sacha en dessous. Et le finish, le bank statement sur la rambarde, mais juste. Incroyable ce match. Oh là là. Il y a rien acheté dans le match. Rien que pour la gueule du mec dans le public qui était derrière Sacha Banks quand elle met son bec sur la rampe. Rien que pour la gueule de ce mec là qui était mais fou. Ça vaut le coup quoi. C'était fantastique. Gros match. C'était un des. C'est je pense peut-être le seul moment où peut-être qu'il y en a deux ou trois mais des moments qui ont semblé vraiment super importants dans Monday Night Raw cette année. Qui ont été genre des trucs qui resteront dans les mémoires, ce qui est de moins en moins le cas à Raw, dans les changements de titres et tout ça. Bref. Giscal. Oui, c'est à moi. Bon, alors, mon flop, bon, je suis pas allé chercher des gros matchs polémiques, genre avec des superstars et tout. Donc, du coup, je suis allé prendre vraiment. Avec Titus O'Neil versus Sin Cara. Ah, bah oui, effectivement. Bah, non, pas loin, mais ça, c'était pour faire un petit clin d'œil quand même à Ringside aussi. Mais le match dont j'ai le pire souvenir cette année, parce que j'en ai quand même un petit souvenir, c'était un Rousseff contre Titus O'Neil. À Money in the Bank, donc oh, il embrasse son fils sur la bouche. Ouais, et c'était le jour de la fête des pères, et donc c'était Rousseff qui devait donc tuer le best dad of 2016, je sais plus où, Titus O'Neil. Un match donc 8 minutes de souffrance pour tous les spectateurs, l'exemple parfait du mauvais match de mid card en low card, même en pay per view. Juste horrible, voilà, un match à ne surtout pas montrer dans toutes les écoles. Et puis avec à la fin Rousseff qui va se moquer des pauvres petits enfants de Titus O'Neil. Enfin, tout était catastrophique. Voilà, bon, je suis allé chercher un flop assez bas, mais je voulais remonter ce match au bon souvenir de nos auditeurs. C'était voilà, c'était très très mauvais. Et puis bon bah mon top, j'aurais pu citer tous les matchs d'AJ Styles, hein, contre Cena, SummerSlam, contre Ambrose, contre même Roman Reigns, qui c'était excellent aussi, mais finalement j'ai choisi le Miz contre Dolph Ziggler à No Mercy le 9 octobre, carrière contre titre, match probablement pas le match le plus technique de l'année, mais enfin voilà, un petit peu comme pour la promo de Daniel Bryan, quand j'avais mis en meilleure promo, c'est le plus inoubliable pour moi, parce que c'est celui qui a laissé la plus grosse empreinte, je trouve, en termes de dramaturgie et d'émotion. C'était, c'était un modèle de climax dans une rivalité. Bon, malheureusement, qui n'a pas été vraiment la fin derrière. Mais voilà, match dingue dans une rivalité entre deux qui se connaissent vraiment bien et qui ont tout sorti sur ce match. C'était extra. Voilà, il méritait un petit vote. Ok. Eh ben, au moins, c'était original. T'as pas choisi. J'ai pas cité les autres. T'as pas choisi le match de John Cena. Ça m'a étonné. Non, non. Mais donc, du coup. C'est un part-timer maintenant. C'est un part-timer, donc c'est normal. Hein. Non, arrêtons les. Arrêtons les conflits, là. Mais. La question que j'avais. Petite question, les gars, est-ce que oui. Vous voulez donner votre pay-per-view de l'année, mais alors super rapidement, parce que là, je l'avais pas noté. Ah. Est-ce que vous devez noter votre pay-per-view de l'année ou pas du tout? Pas spécialement. Pas ok, noté. On annule. Donc on passe à la rivalité de l'année. La rivalité de l'année, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu des très mauvaises. Il y en a eu quelques très bonnes. Pas, mais il y en a. Bref, passons à Ringside. Alors, en flop, la liste est longue. C'est un peu compliqué. L'intégralité c'est de Raw. C'est pas loin d'être ça. Hein. C'est-à-dire, c'est Kevin Owens face à Seth Rollins. Là, toute cette histoire qui dure depuis, je sais pas et combien de temps. Et c'est pas fini. Et qui est pas fini, qui profite à personne. Il y a Triple H dans l'histoire. En fait, ils sont juste là en train d'occuper le terrain quand il n'y a pas Goldberg. Il y a Seth Rollins qui n'en finit pas de faire son face turn. Kevin Owens qui est un champion en carton. La vraie star, c'est Chris Jericho en vérité. Et à côté de ça, il y a dans l'histoire aussi le pauvre Roman Reigns qui est toujours hué, qui a la titre US, qui a le titre US et qui ne le défend pas. Voilà, donc ça, au final, sur le long terme, ça construit rien du tout. Et puis ça plombe. Le Raw toutes les semaines quasiment, même si ils ont du talent, ils font des beaux matchs, etc. Mais tout est noyé un peu dans cette rivalité là qui n'en finit pas et puis qui tourne pas vraiment autour du titre universel qui n'a aucune valeur à l'heure actuelle. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est du flop. Et si les gens sont pas encore suicidés, vas-y, ton top. Ouais, alors mon top. Alors j'ai hésité, mais je vais le donner à Charlotte contre Sacha. Charlotte Flair contre Sacha Banks, parce que c'était ce qui était le plus. Ne fais pas cette tête là, Hank. C'était ce qui était le plus intéressant pour moi, le truc qui m'a fait le plus vibrer tout au long de l'année. Les matchs étaient phénoménaux. C'était quand même le fait que les filles maintenant, voilà, elles atteignent le main event, elles font des Hell in a Cell, voilà, ce sera cette année-là que ça s'est passé. Voilà, ça dépasse d'une courte tête la rivalité entre Goldberg et Lesnar, qui était magnifique de bout en bout. L'exemple du truc à faire aussi, mais voilà, je préférais mettre les filles parce que c'était quand même. Voilà, elles ont détrôné les mecs pour cette année. Les deux-là, c'est celles qui m'ont fait le plus vibrer de l'année. Donc voilà. Ok, on va tenter. Mais je dis bien tenter. Déjà fait un truc la veille. Tenter de faire marcher le. Ouais, puis il faut l'annoncer sinon oui. Ça sert à rien. Hein. Vous m'entendez? C'est bon. Oui. Vas-y, à fond. C'est pas grave. À vitesse rapide. Oui, oui. Alors, donc on est sur les feuds. Moi, la feud qui m'a le plus marqué dans le mauvais sens du terme, c'est le New Day versus Carly Anderson. Hein. Je vais pas revenir sur les histoires de couilles dans des bocaux, John Stewart à SummerSlam, tout ça. Enfin, c'était nul. Et donc, pour pas plomber l'ambiance, j'enchaîne de suite sur la meilleure. Et vous avez compris que j'étais très NXT dans mes tops. Donc, je vais mettre la feud Samoa Joe versus Finn Balor. Ça a quand même envoyé du gros, gros lourd. Et du gros gros bois, donc j'ai que des bons souvenirs des affrontements de bourrin entre ces deux-là. Donc j'ai hâte que l'un d'entre eux revienne de blessure et que l'autre monte dans le grand show. Ouais, ça envoyait du lourd et j'ai beaucoup aimé. D'accord. Et ben on a tout entendu parfaitement. Oui, c'était magnifique. Ouais, même plus. Alors un peu plus. Amiral, vas-y. Alors, mon flop, c'était une grande rivalité, vous allez vous en souvenir, mais si, rappelez-vous, c'était quand il y avait Rousseff et contre Roman Reigns. Cette fabuleuse rivalité autour du titre des États-Unis et donc Roman Reigns qui vient pour faire chier Rousseff et Lana qui sont en train de se marier et qui leur balance de la cantine et qui les traîne dans la boue et qui envoie vadinguer des valeurs familiales et tout ça. Bref, voilà, une feud montée avec les pieds. Reigns qui est censé être le face, qui est juste le gros connard de l'histoire, hein, soyons clairs. Rousseff qui a tout à fait raison. Bref, c'était. Ça a démarré la feud Giscal contre Hank aussi. Ouais, voilà. Je suis désespéré. C'est la seule bonne chose que cette feud Rousseff Reigns a fait dans cette année, c'est démarrer la feud Hank Giscal. Mais sinon, cette feud Rousseff Reigns, c'était minable. Minable, ça pour mettre encore over Reigns au détriment de Rousseff qui est méritant. Roman Reigns est plus fort, je vois pas le problème. Il est plus fort, hein, c'est tout. 4 mois à s'en remettre de cette feud pourrie. C'est n'importe quoi. On peut pas faire des choses comme ça. On peut pas. Cloche. Et la rivalité que je mettrai en top, c'est le Miz et Dolph Ziggler cette année. J'aurais pu mettre effectivement Banks contre Charlotte, mais c'est déjà été dit. Donc Miz et contre Ziggler, ils se connaissent, ils ont déjà caché ensemble, c'est pas un truc nouveau, mais ils ont réussi à rendre le truc intéressant, à faire un programme des mois, remettre la ceinture intercontinentale vraiment dans l'eau du panier, comme l'a dit Giscal dans son match, le match quasiment de fin, il y avait un carré versus title, c'était bon, c'était une rivalité qu'il y avait eu dans le ring, qu'il y avait eu dans les coulisses, qu'il y avait eu sur Top Links Max, sur les réseaux sociaux, bref, sur tout, et les deux athlètes, plus Maryse, ont vraiment fait un truc qui a marché à fond, quoi. Des bons matchs, des bonnes promos, de l'engagement, non, c'était bien. Vraiment, de la combativité Exactement Toutes les vraies valeurs de la Les vraies valeurs du rugby. Oui, alors, ouais. Giscal. Je continue. Bon, allez, on continue à taper sur la même. Hein, mais mon flop, moi aussi, c'est le New Day contre Gallows et Anderson. Voilà, bon, je vais pas m'étendre. C'était horrible et ça nous a donné un des pires segments, comme tu l'as dit, Hank, The Old Day de télévision en 2016. Donc, bon, c'était une catastrophe et c'est ce qui a beaucoup contribué à faire de Gallows et Anderson un flop cette année, malheureusement, un peu malgré eux. Quoi. Et puis bah moi mon top rivalité, bon bah alors, vous avez déjà mis Charlotte et Sacha, c'était mon top sur les CDC, donc je vais aller piocher un peu plus loin dans mon top, mais qui mérite quand même un petit coup de chapeau, je trouve, c'est Sheamus contre César. Les vraies valeurs, j'ai trouvé que c'était une rivalité vraiment surprenante cette année, parce que bah voilà, on l'a dit tout à l'heure, on se souvient quand même de pas mal de dents qu'avait grincé lors d'un Raw un peu quelconque où Mick Foley en coulisses annonce qu'ils vont s'affronter 7 fois pour le droit de d'être rien, d'ailleurs, on sait pas. Non, pour un title shot en fait. Après il y avait, on savait pas sur quelle ceinture en même. C'est vrai. Et puis en fait de cette idée un peu de remplissage est né quelque chose d'assez fou, quoi, une alchimie entre les deux, aussi bien dans leur 1 contre 1 que par la suite dans leur histoire en équipe, qui mérite une mention. C'est une des belles surprises de l'année 2016, comme quoi quand on est talentueux, on arrive à sortir finalement du très bon de quelque chose qui parfois est complètement très très mal embarqué. Donc c'était du bon boulot. D'accord. Et ben je vais piquer l'avant-dernière place parce que je me dis tant que les gens l'ont pas cité, j'hallucine que personne n'ait choisi cette rivalité en fait. Donc d'abord la rivalité la plus pourrie de l'année, Shane McMahon Undertaker. Oh non. Salaud. J'étais sûr que Yerem y mettrait ça. Ah bah désolé ouais. Non mais je pensais pas te la piquer celle-là. Voilà, c'était Tu n'écoutes vraiment pas le supplément SmackDown. Non, il écoute pas, c'est sûr. C'est pas grave, on prendra Shane sur Survivor Series. Déjà regarder 4 heures de catch par semaine, ouais. Voilà. Donc du coup voilà, c'était les enjeux étaient nuls, le résultat était nié, hein, la conséquence a été juste effacée vu qu'il n'y a pas eu de conséquence. Donc le match était nul à chier, enfin bref. Donc voilà, et la meilleure rivalité de l'année, bah, c'est Giscal, c'est John Cena contre AJ Styles. Je voulais pas la dire, c'est bien entendu. Non mais je suis d'accord. Non, c'était génial et c'est là qu'on a vu la qualité d'AJ Styles au micro. C'est à ce moment-là qu'il a, enfin juste avant qu'il a tourné heel et que du coup au début il l'avait mis face parce que je me dis genre pas mal mais moyen et là juste tourné heel, il était excellent et ça nous a donné des matchs fantastiques. Les deux au micro, enfin Cena, voilà, bon, c'est un duo au micro, il est excellent quasiment tout le temps. Et Styles a monté son jeu justement au micro grâce à lui. Et ensuite Styles a fait un reste d'année fantastique. Bref, c'est magnifique. Merci Cena. Sauf la fin, sauf le dernier SmackDown de l'année du coup. Qui ternit un petit peu le dernier SmackDown de l'année, ternit un petit peu, je trouve, cette rivalité qui a été bien menée. Au contraire. Je trouve que ça la relance de la, pas de la bonne manière, mais. Ouais, moi aussi. Ouais, limite, la façon dont il le relance, je m'en fous. Je veux juste. Du moment que je sais qu'il y a un prochain John Cena et Jay Styles, je suis content. C'est juste. Ouais, ça va être la meilleure rivalité sur les 5 prochaines années. D'avoir piqué ton flop et j'espère de pas avoir piqué ton top. Quand ils seront triple threat, Cena, Styles et Roman Reigns, là ça sera ta rivalité préférée. Ah, oui, non, voilà. Mais là ce sera exceptionnel, mais ça va être très compliqué de choisir un vainqueur. Ouais, écoute, tu m'as piqué mon flop, quelqu'un d'autre a piqué mon top, donc je me casse. Faut que je me casse. Non. Mais mon flop, effectivement, c'est la rivalité, non pas Shane versus Undertaker, mais Shane versus Vince McMahon with his little bitch Undertaker. bref, t'en as suffisamment dit à ce sujet, pour moi c'est une honte. Et mon top, c'est effectivement, Miz contre. Du coup, toi, j'ai mis Miz, non pas contre Ziggler, mais Miz contre Daniel Bryan, avec la participation de Dolph Ziggler. Avec le supporting cast Dolph Ziggler. Qui était remplacé récemment par Miz versus. Comment s'appelle-t-elle René Young, avec la participation de Dean Ambrose. Donc visiblement, il s'en prend à tout le staff de Talking Smack. Non, vraiment, moi, ouais, je vais mettre en avant plus Miz versus Bryan que Miz versus Ziggler, parce que tout part de là et que c'est un plaisir de suivre cette rivalité en regardant. C'est le petit plaisir coupable de ceux qui ont le network de regarder le Talking Smack pour suivre un petit peu ce qui se passe et. Et vraiment, j'ai adoré. Enfin, Daniel Bryan, a construit justement ce personnage plein de contraventions. De contradictions, effectivement. Merci, Giscard. Je sais que je suis toujours là, Irem. Ouais. Mais voilà, où il représente aujourd'hui l'autorité et voilà, il agit, fait preuve parfois un peu de despotisme envers ceux qu'il n'aime pas. Et le Miz, il l'aime pas beaucoup. Du coup, ouais, c'était ma rivalité de l'année. D'ailleurs, ça me fait penser que aussi dans les promos de l'année, j'aurais pu en faire un top 3, mais Baron Corbin a fait une promo de ouf à Talking Smack il y a pas très longtemps, que j'ai adoré contre Daniel. Arrêtez de faire des choses avec vos caméras là, moi ça me hein. Ça me déconcentre. On se fait on le site du club par caméra. Est-ce que tout le monde est passé? Tout le monde est passé. D'accord. Alors on va passer à la catcheuse de l'année. Et oui. Car les femmes comptent. La WWE vous l'a dit toute l'année, les femmes comptent. On a rattrapé le 21e siècle, on a rattrapé les années 2000, les femmes comptent. Donc, on va commencer. Bien entendu, on n'a pas de femmes ici, donc on va commencer par l'amiral. Eh ben, je crois que je vais voler le slot à tout le monde, du coup, j'ai la parole en premier. Ouais, je pense aussi. Alors, en flop, Dana Brooke. Voilà, parce qu'elle est juste nulle. Avec une petite mention honorable pour le flop quand même, parce que c'est pas vraiment de sa faute. Non, mais il va piquer tous les flops, lui. Non, Paige. Paige. Ah oui, Paige. Grande regrettée. Voilà, une blessure, elle a été suspendue, elle est en relation avec Alberto Del Rio, qui n'est plus dans la WWE, donc c'est compliqué. Mais putain, quoi, qu'elle se ressente un petit peu sur ce qu'elle fait de mieux. Bon, c'est qui ton flop, Amiral? Bah, c'est Dana Brooke et Paige, voilà. L'autre, mais, mon regret, c'est Paige. La plus nulle, c'est Dana Brooke, mais mon regret, c'est cette année, c'était Paige, effectivement, qui n'était très absente, hein, finalement. Elle est très heureuse avec Alberto Del Rio. Peut-être qu'il la prend comme une bête et qu'elle a des orgasmes à répétition. Avec non, mais au secours, c'est très putain, bon ça y est. Bientôt, c'est la dernière de transition. Ouais, chier les fans de Paige. Monsieur l'amiral. Monsieur l'amiral, vous voyez ce qui se passe quand vous restez sur un flop comme ça, hein? Mais oui, mais c'est comme ça. Mais bon, le top, bientôt, tout de suite, je veux le top. Le bientôt, top. On fera un podcast sur la sextape entre Del Rio et Paige. Mais le top, donc, voilà, que je vais voler à tout le monde, beaucoup, je pense, Charlotte. Voilà. Évidemment, la rivalité a été dit entre Banks et Charlotte était vraiment une des meilleures cette année. Et Charlotte, selon moi, et son dodge, je pense, a vraiment su tirer son épingle du jeu et montrer qu'elle était au-dessus même de sa rivale, donc Sasha Banks, dans le ring. Charlotte, super. Au micro, il y avait beaucoup de progrès à faire. Elle les a fait. Beaucoup plus que Banks. Donc, juste, voilà. La diva nouvelle génération. Donc, cette Women's Championship, la queen des pay-per-view, tout ce que vous voulez, effectivement, c'est Charlotte Flair. Donc, meilleure catcheuse pour moi de l'année. Ok. Raph, es-tu là? Je suis là. Je suis là. Vous me faites beaucoup de mal à parler comme ça de Paige, vous savez. C'était parce que je l'aime. Coup, vas-y. Ouais, du coup dans mes flops, j'ose pas la nominer, c'est trop cruel. Alors je vais dire Naomi parce que je trouve que j'aime pas trop son glow style, me fout un peu le vomi. Oh. Je kiffe. Ouais, j'adore aussi. Naomi pour moi c'est l'exemple un peu de. On dit tout le temps qu'à un moment elle est du même niveau, elle pourrait être aussi bonne que les autres, mais bah ça, y a aucun match de référence quoi cette année et. Ouais, ça me déçoit un peu. Et donc du coup, voilà, je vais mettre un petit... Mais je sais pas si je la soupçonne pas d'être un peu derrière le masque de la Luchadora. Il y a plusieurs hypothèses, donc on va voir. Elle était plutôt blanche, la Luchadora, ce que j'ai vu. T'es sûr? Métissée. Ouais, ou bien bronzée. D'accord. Ouais, elle était grise, alors. Ouais. Bon. Et donc, du coup... Vas-y, et ton top, rap. Et le top, bah, pas d'originalité, c'est Charlotte. C'est vrai que quand on y repense, en fait, quand elle a battu Nikki Bella, on avait beaucoup de d'interrogations. Hein. On se disait même que parmi les quatre, les Horsewomen, c'était la moins bonne au micro, c'était la moins convaincante. On préférait Sasha, Becky Lynch, etc. Donc là, elle a fait taire tout le monde et elle est excellente, quoi. Donc bravo, madame. Rien d'autre à dire sur Charlotte. Chapeau. Ben je vais déroger aux règles puisque je vais passer directement à IRM. Hop. Ah alors, j'étais en train de gérer l'enregistrement vidéo aussi, c'est un peu compliqué. Hein, donc... Ok, Giscal, vas-y. Ok. Mon flop. Ah oui, c'est vrai que j'avais mis ça moi. Tiens. Si vous n'êtes pas préparé là. Oh, John mon flop, Cida. C'est Eva Marie. Oh, c'est dur. Ah bah si, c'est mon flop. Elle n'a pas catché. Justement, elle n'a pas catché. Elle vaut sa mise, tu peux pas dire ça. Comment quoi? Elle vaut Sami Zayn en draft. Elle vaut. Ah bah ouais, bah écoute, trade, ce sera mon flop cette année, puisque pour moi, c'est. Non, mais j'en avais parlé lors d'un supplément SmackDown à l'époque où. Bah, juste après le brand split, où en fait, on nous bassinait. À Raw, on avait du catch super sérieux entre Charlotte et Sasha Banks, et une vraie rivalité avec deux femmes catcheuses qui se foutaient sur la gueule dans des gros matchs. Et du coup, c'était la New Era, le pouvoir aux femmes, machin. On change, c'est plus les divas. Et puis de l'autre côté, à SmackDown, juste après le split, on avait Eva Marie qui était coincée dans les bouchons, qui perdait son soutif, et plein de conneries comme ça qui me faisait dire que bon, bah finalement, on n'a peut-être pas encore complètement franchi le cap. Et en fait, elle incarnait tout ce que je détestais. C'était rigolo. Ouais, bah écoute, ouais, moi pas, ça me faisait moins rire parce que du coup je me disais, mais enfin, pourquoi vous gâchez du temps d'antenne avec ce genre de conneries et ça m'avait pas plu du tout. Et puis bah après, derrière ça, le running gag s'est tellement éternisé que bah, on l'a plus jamais revu de l'année, donc non, du coup pour moi blessé, c'était mon flop. Bah oui, mais bah, bon, elle a eu la suspension et après c'est blessé, ouais, suspension, blessé, et puis bon bah du coup on l'a plus vu, donc voilà, c'est, bah, t'as raison, on a gagné aux chances, on a eu James Ellsworth à la place. Et puis du coup, bah, mon top, y a pas de problème, peu importe, c'est Charlotte, hein, quitte à faire l'unanimité. Enfin voilà, c'est exceptionnel. Et je reprends un peu l'argumentaire de Rafa, j'aime bien. Enfin, c'est vrai que c'était peut-être celle qui partait de plus loin avec face aux trois autres, parce qu'elle avait pas forcément le bagage indépendant de Bayley, de Becky Lynch, de Sasha Banks, et puis elle était forcément logotée un peu fille d'eux avec son nom, donc elle partait peut-être de plus loin vis-à-vis d'un certain public, et bah elle a fait taire tout le monde, quoi. C'est celle qui a le plus progressé cette année et qui maintenant s'installe comme étant, je pense, la top star féminine à la WWE pendant très longtemps. Donc voilà, pareil, bravo. Chapeau. Je sais pas. Alors, juste, je vais faire mon petit commentaire. Oui. mais il y a eu des grimaces là. Sur Eva Marie, moi, je trouve que justement, c'est le genre de choses que se permet pas Monday Night Raw, parce que justement, c'est l'identité de SmackDown, de faire des choses un peu plus légères. De faire des justement pas mal de promos, pas mal de séquences de dialogue entre les catcheurs qui souvent sont un petit peu genre, il y a du jeu de mots, c'est très léger, quoi, ça se prend pas. Je trouve que SmackDown est un show beaucoup plus fun et beaucoup plus léger dans ses segments, dans son écriture, surtout au début, en fait, surtout quand, après la brain split. Et je pense que ça faisait partie aussi de l'identité du truc. Après, bon, on accroche ou pas, moi la voix off me faisait pisser de rire. Mais la voix off, c'était une bonne idée, hein. Ouais, parce que ça joue avec les codes, voilà. Ça joue avec les codes, voilà, c'était plutôt original quand même, c'était la meilleure manière de l'exploiter, moi, je trouve, ouais. Oui, parce qu'elle avait rien à faire, en fait, c'était comme présenter du vide, ça aurait été C'est que du packaging, hein, Marie. Hein, y a pas moi, ce qu'on a vu dans le ring, sur ces quelques passages, il n'y a rien à garder, donc faut pas la faire catcher, effectivement. Mm-hmm. Ouais. Et puis Charlotte, elle s'appelle Charlotte Flair, donc elle part pas de rien. Non. Bah non, mais l'excellence génétique déjà, c'est dans le nom. Puis elle est dans le milieu du catch depuis qu'elle est gamine, quoi. Donc on a suffisamment pourri Triple H, quoi, parce que c'était le gendre ou machin, là. Le côté fille d'eux pouvait faire grincer certaines dents. Je me dis que elle partait forcément avec un côté un peu népotisme. Elle a pas choisi Triple H, elle a choisi d'épouser Stephanie. Elle est née fille de Ric Flair. Non, je sais, mais du coup, elle s'en est bien sortie parce qu'elle a réussi. La parole est à IRM. C'est de ma faute. J'ai lancé le débat. Je ne sais pas, IRM, es-tu prêt? Est-ce que la technique est prête? Oui. En façon, on le saura à la fin. Alors, d'accord. Bah voilà. Du coup, moi, mon top, c'est Charlotte. Ok, ça, on passe. Par contre, mon flop, eh ben, c'est Bayley. Pour moi, mon flop, c'est Bayley. Alors, c'est un peu fort, j'avoue. Mais, comment dire? On discute souvent sur est-ce qu'il est trop tôt, trop tard, quand on fait monter justement les rookies de NXT. Bayley, je sais pas ce qui s'est passé, mais clairement il y a dû avoir des changements de programme avec les fausses blessures de Sasha Banks. On n'a jamais réussi à la positionner vraiment. elle a été complètement à l'ombre de la rivalité de Sasha Banks et Charlotte. Et en attendant, on n'a pas su trop lui donner quelque chose vraiment d'intéressant à se mettre sous la dent. Alors c'est en attendant d'eux, mais moi je sais que perso en tout cas, ce qui me fait dire que c'est un flop, c'est que, et ça mon ami Giscal, mon camarade, l'a souligné tout à l'heure, c'est que toute la hype autour de Bayley est un peu retombée depuis. Après elle reviendra, c'est pas compliqué de faire revenir ça, mais voilà, je m'attendais à quelque chose de mieux concernant Bayley. Voilà, c'était pas son année, et j'aurais aimé qu'elle soit la rookie de l'année, quoi, en fait, et ça n'a pas été le cas. Et je me demande si Raw était, enfin, c'était pas... Rookie Balboa. Ouais, alors quand même, est-ce que Raw c'était le bon endroit, ouais. Une petite précision, c'est que là tu fais ton flop sur Bayley, mais sur le main roster, parce qu'elle a passé quand même la moitié de l'année 2016 du côté de NXT, où elle était championne, elle était en feud contre Asuka, etc. Comme ça, nous concerne pas, nous. Là, il y a déjà souci. Alors, l'amiral, je t'arrête tout de suite, effectivement. Moi, j'ai suivi les règles qui m'ont été données dans l'organisation initiale de ce numéro spécial. Qui a donné ces règles? Mais effectivement. C'est effectivement depuis son arrivée au main roster. Attention. C'est l'anonymous general manager qui a donné RN. Concernant son passage à NXT, c'était grandiose. Ce serait mon top, en fait, si tu veux. Oui. Voilà, c'est juste pour préciser à nos auditeurs qui auraient pu suivre la Bayley aussi à NXT pour qu'ils disent, mais c'est quoi, c'est qui ce Rayem qui dit qu'elle a fait une année pourrie? Mais non. Ce Rayem. Son... C'est qui, ouais, ce colonel Rayem? Vous croyez vraiment qu'il y a encore des auditeurs qui nous écoutent? Moi je mixe, moi je mixe ces trucs. C'est Rickside, mais t'as l'impression que c'est plus long, mais ça c'est une heure et demie. Ah, quand même. Rickside. justement, c'est à toi. C'est à moi. Le top c'est Charlotte, hein, donc je vais pas revenir dessus, hein, parce que voilà. Et le flop, moi j'ai mis Natalia, parce que malgré tout ce qu'elle peut amener, tout le travail qu'elle donne dans le ring, elle accepte tout ce qu'on lui demande de faire, ça donne rien du tout, et puis elle est toujours ridicule, la pauvre. Et puis son mari, il est blessé, il reviendra plus catcher, je pense, c'est fini pour lui. Et puis voilà, elle est dans les... c'est pas sa faute, non. C'est jamais qu'il soit dans le flop, c'est souvent la faute des bookers ou d'autres choses, hein. C'est jamais la faute du catcheur en lui-même, au final, hein. Mais voilà, malgré tout son talent, parce que c'est sûrement une des plus talentueuses du roster, ça accroche pas. Donc voilà. Je vais dire à son chat sur Instagram de te unfollow, alors. Parce que... alors. C'est quoi Instagram? C'est fou. Qui a pas donné son top? Rafa, t'as donné ton... Si, top. Il a donné son top, non? Si. Non, je suis plus. Alors... sûr. Non, oui, ah, oui. Peut-être pas. Si. Ah, oui, au début, en vitesse. Si, alors, il a donné Charlotte. Est-ce qu'il reste des gens qui n'ont pas donné leur top? Moi, ça. Non. Ok, d'accord. Il y avait... moi, je l'avais... Non, je n'avais pas donné. Du coup, mon flop, c'est pareil, c'est un flop de moitié d'année, c'est Nia Jax. Parce que mon top c'est bien sûr Charlotte, hein. Charlotte intouchable, et je pense une des personnes qui est pushée à mort et qui le mérite. Genre ça arrive. Ça, elle est pushée, hein. Ouais. Mais voilà, j'adore le concept du streak de pay-per-view et tout ça. Mais qui est pushée à mort et qui ne le mériterait pas? On en parlera. Après. Pardon. Quoi? Mais tu veux que les gens écoutent le podcast en entier ou bien? Bon. Donc du coup qu'est-ce que j'allais dire? Bon, mon flop, Nia Jax. Donc Nia Jax, une entrée en matière justement à la Strowman, en fait ils ont vraiment fait la même chose en même temps. Et seulement Strowman, lui, il l'a fait toutes les semaines, et au bout d'un moment Nia Jax, on l'a pas revu pendant 2 semaines à Raw. Et puis après on l'a fait revenir, et puis je sais plus vraiment ce qui s'est passé. On l'a revu à Survivor Series dans le match avec les filles. Elle a été bookée très forte aux Series, quand même. Mais... Elle est bookée forte, mais elle est bookée dans rien, en fait. Elle est, elle est juste là, quoi. Bah, ça correspond pour elle, non? Ça correspond avec Bayley, hein, ce que disait IRM juste avant, c'est qu'on attendait Bayley, on lui a rien fait faire. Nia Jax, pareil, c'est simple, il y avait un programme qui était écrit entre les deux. Et ben voilà, sauf que Vince avait une autre vision. Vince, il voulait que la grosse feuille de Bayley, ça soit contre Charlotte, et elle a été relayée pour qu'elle arrive à WrestleMania. Et en attendant, il a dit, on va rien en faire. Et voilà. C'est Vince. C'était l'amiral en direct des locaux du bureau de Vince. Voilà. De l'arrière-salle. Il est en dessous de bureau, en fait. Il est en dessous, là, je crois. Et on peut en faire des choses très bien. Et moi, j'ai adoré justement la rivalité Bayley-Nia Jax. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien. Elles ont réussi à faire un très bon match de fin. Vraiment, je sais plus quand c'était. Oui, du coup, c'était celui qui était en décembre 2015 au Takeover, je ne sais plus quoi. Mais voilà, très bon match si vous voulez retourner le voir. On va passer à la catégorie reine. Même si on adore les femmes, mais il n'y en a pas assez pour que ça soit équilibré maintenant. Donc la catégorie reine, ça reste les hommes, ça reste les catcheurs singuliers. Les catcheurs top et flop, c'est parti avec Raphaël, avant qu'il ne se déconnecte, se passe quelque chose. Vas-y, Raphaël. Oui, oui. Et bien ça y est, c'est la catégorie reine. Et dans les flops, ben moi c'est pareil, j'ai fait un flop de même pas mi-année, puisque c'est un flop d'un mois. Ça va être le court passage Finn Balor dans le main roster. Parce qu'ils nous ont quand même complètement salopé sa gimmick ridiculement. Il a fait des matchs qui étaient même pas excellents, donc déception. Donc on verra, pourvu qu'il nous le salope pas, parce que quand même. Il a fait beaucoup en fait. La vidéo, c'est bien la vidéo. Et ton top? Et ben mon top, Chris Jericho. Ah. Chris Jericho qui s'est révélé cette année. Donc on le prend peut-être sous le nez, mais voilà, hein, c'était la meilleure année de Jericho depuis je ne sais pas combien de temps. Je ne saurais le dire de ma propre mémoire. Alors je vais demander aux anciens fans s'ils s'en souviennent d'une aussi bonne année, pas forcément sur les rings, mais tu veux lancer un débat de 10 minutes, c'est ça? Non, c'est ça que tu veux faire. si c'est ça. C'est ça, hein, tu veux saboter. Exactement. Le show, hein, c'est ça. Bon. Mais voilà, Y2J 2016, qui l'eût cru, qui aurait cru en 2014 ou 2015 qu'on aurait eu ça? Non, c'était très bien. Alors après, effectivement, oui. Il devait partir en tournée avec Fozzy, normalement. On devait pas le voir, et au final, il a fait tout ça. Bah oui, on l'a pas eu notre dernier c'était album. Lui, le patron. Mmh. Ah ouais, c'est dégueulasse. Je pense qu'ils lui ont mis un petit supplément sur son chèque qui reste. Bref, et bah, du coup, t'avais autre chose à dire, Raph? Un dernier mot? Non, bah non, Giscard veut pas, visiblement. Alors, la chose que je voulais dire, c'est pour les auditeurs, du coup, qui regardent pas la vidéo, etc., parce que il y en a, on est vraiment désolé pour tous les rires qu'on a sur les gens qui font des grimaces, etc., en vidéo, hein. On n'a pas l'habitude, on a des faciès plutôt drôles, des moments. Irem. Alors, du coup, l'ami Rafa m'a piqué mon flop. Moi, je vais mettre mon flop sur Seth Rollins. Allez, voilà. Oui, Seth Rollins. Ah, alors là, je suis plus beaucoup Raw. Je suis plus au niveau audio, on va dire, Raw. J'écoute un bon podcast qui s'appelle Catch Up. Mais le retour de Seth Rollins, malheureusement, a été tellement mal géré. Le mec avait une pop de dingue. On sentait qu'ils étaient en train d'arriver à faire une sorte de turn, mais ils n'ont pas osé le faire. Je ne sais même pas si Seth Rollins voulait vraiment le faire. J'en sais rien. Et il s'est retrouvé en plus embourbé. C'est dommage parce que son retour était pas si mauvais que ça par rapport au booking, enfin les matchs qu'il avait à la fois avec Finn Balor et qu'il s'est retrouvé avec le Triple Threat avec le Shield. C'était plutôt bon, mais il a jamais réussi à retrouver sa place. Je pense que c'est vraiment un problème lié à Raw. C'était la gestion du top, quoi, le carré d'as. On a quand même 4 types super, enfin Seth Rollins, Roman Reigns, voilà, on n'a pas le choix. Chris Jericho, Kevin Owens, et voilà, mes camarades de Catch Up Pro en parleront certainement mieux que moi. Mais Seth Rollins, c'est du gâchis, quoi, en termes d'écriture. Le mec, il avait tout pour redevenir le top babyface et ça a loupé. Donc voilà, pour moi, ça, c'est mon flop. Et mon top, j'avais mis... Qu'est-ce qu'il a mis? AJ Styles. Voilà. Voilà, on a déjà dit tout le bien qu'on pensait de lui en rookie de l'année. Et AJ Styles, c'est vraiment, je dirais, une chose, c'est que ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un catcheur s'adapter avec autant de facilité, de qualité au style WWE, à tout ce que ça engendre en termes de gestion de la foule, voilà, des promos, etc. Parce que quand il est arrivé au début, il avait un petit peu de mal à ses premières promos avec ses premières rivalités. C'était quoi ? Il y avait le Miz, je crois, puis après Chris Jericho. Ses promos étaient un peu en dedans, c'était pas terrible. Et progressivement, on a vu vraiment qu'il a. Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas de mystère. En plus, le brand split a fait un bien fou. Et c'est devenu le roi incontesté. Et son heel turn, effectivement, qui a évidemment beaucoup plus à l'aise. Et c'est le roi incontesté, quoi. Là où les quatre autres zigotos se battent. c'est le petit prince, celui dont tu fais le signe. C'est le sultan. Mais voilà, donc c'est tout l'opposé en fait. Ouais. AJ Styles, le patron. Le mec, c'est dingue qu'on puisse se dire qu'en fait, le mec est arrivé au Royal Rumble cette année, quoi. C'est difficile à imaginer. Oui, mais il a été partout. Il a été partout, il a brillé partout. Donc, même si le site WWE est très différent des autres fédérations, le mec, il a roulé sa botte dans des petites fédérations, les télévisées aux États-Unis, au Japon, etc. Il sait s'adapter en quelques mois, quoi. C'est pas forcément vrai pour tout le monde, ça, hein, quand même. Il l'a fait. Qui d'autre? Et vous savez, des mecs qui ont catché partout, Sami Zayn il a catché partout. J'ai pas le sentiment que ce soit genre le roi, le dieu de la promo. Ouais, mais justement, il a pas été champion partout non plus, je pense. Ouais. Ah non. Ça dépend les promos qu'on t'écrit aussi. Genre Kevin Owens qui a beaucoup catché dans des petites salles, il s'est très bien adapté à la promo grand public. Même Kevin Owens, je trouve qu'il a pas le rayonnement qu'a AJ Styles depuis qu'il est arrivé, quoi. Enfin, AJ Styles, c'est. Ah, oh, quand même. Au micro. Je vais passer directement à moi-même, tout simplement parce que j'ai exactement les choix de IRM. J'ai exactement les mêmes choix et je ne vais pas les changer parce que c'est totalement ça. Seth Rollins, c'est un. Bah peut-être tu peux en dire plus toi sur Seth Rollins, toi qui le suis depuis son retour, chaque semaine avec beaucoup de. J'ai de moins en moins de passion pour les matchs de Seth Rollins parce qu'il y a de moins en moins d'enjeux, parce que le personnage est de plus en plus vide et incohérent. Voilà, bon, les histoires d'incohérence, je pense que si vous voulez des histoires d'incohérence, vous écoutez Catch Up Euro les dernières semaines, enfin quand je suis là, hein, bien sûr. mais donc voilà. Donc Seth Rollins, c'est juste, il a perdu, j'ai l'impression, pendant un temps, juste à cause de ce face turn qui est totalement raté, qui aurait dû intervenir au premier jour. Juste, il revient, tout le monde l'acclame, on vous fout un putain de documentaire de 10 minutes qui vous montre Seth Rollins en train de souffrir, Seth Rollins en train de regarder WrestleMania alors qu'il est blessé encore, Seth Rollins en train de se rebuilder, entre guillemets, tous les efforts du monde, c'était un truc héroïque, quoi. Le documentaire à la fin, tu fais putain, le gars il a du courage. Vous le faites revenir, il chie sur le public. Pourquoi? c'est le public l'adore déjà, l'adorait en heel. Là, vous savez que vous avez passé combien, un an et demi avec Rollins en heel qui a juste porté la division pendant tout ce temps là. Faites-le revenir, il est face, tout le monde l'aime, et là on part sur un nouveau run avec quelque chose d'un peu différent, et voilà, non, on le fait revenir en heel, merde, on a merdé, on va le mettre en face, ah, attention, parce qu'en fait on a déjà des faces, donc du coup, alors qu'est-ce qu'on fait, parce que c'est Roman Reigns, notre star, comment ils appellent ça, la tête d'affiche, donc du coup en fait, on va pas le faire totalement face. Bon, finalement en fait il est quand même pote avec Roman Reigns, même si, genre il y a 3 semaines ils se détestaient. Et ça veut plus rien dire. Ça veut plus rien dire. Il allait à la course au titre. Et en fait, maintenant, il était toujours sur sa course au titre. Hein. Il n'avait pas encore eu sa vraie opportunité pour la course au titre. Et au bout d'un moment, c'est genre, ah, au fait, il y a Triple H qui m'a coûté le titre l'autre fois. Et donc, du coup, en fait, je vais plus à la course au titre. Je vais à la course à Triple H. Mais ça arrive, genre, peut-être 3 semaines en retard par rapport à l'événement. Donc. Rien ne veut rien dire avec Seth Rollins. Et c'est juste une calamité, parce que ce mec est incroyable. C'est un des meilleurs catcheurs je pense, dans les, pour moi, dans le top 5, et mon catcheur préféré, du moins des dernières années. Donc voilà, je suis énervé sur la cité Seth Rollins. Oui, t'avais un truc à dire, Yarem. Non, bah, comme je disais, tu l'as beaucoup mieux expliqué que moi. C'est effectivement, t'as eu raison de rappeler tout le build qu'il y a eu. En fait, la WWE avec la vidéo qu'ils avaient fait. Enfin, c'est incohérent. Tu comprends pas tout l'argent et le temps qu'ils ont mis pour le faire revenir au top du top avec effectivement cette empathie. T'es obligé d'avoir pour le personnage de catcher, le mec, la première chose qu'il fait en se réveillant de l'anesthésie générale qu'il a eu pour son opération, c'est de dire, je crois, qu'il veut le titre, il veut y retourner, quoi. Ouais. Enfin, c'est juste incroyable, l'histoire et tout était fait, et ben non. Et même, ce que j'ai pas rajouté, c'est qu'il en veut à Triple H pour l'avoir trahi, pour avoir Kevin Owens en chouchou. Et pour faire exactement ce qu'il a fait avec Rollins, ce qui est complètement, c'est pareil, c'est pas cohérent, quoi. C'est genre c'est dégueulasse. La cohérence, les gars. C'est dégueulasse qu'il ait un chouchou, mais lui, il a profité de ça pendant un an et demi juste avant. Pareil avec Roman Reigns, il l'a poignardé dans le dos et du coup maintenant en fait tout va bien. Enfin c'est. Et puis jusqu'au bout, il ira demander à l'autorité d'être le favori. Ouais, et là il recherche. En fait, il devient face parce que vraiment, il n'a pas le choix. Hein, parce que pourtant, il aurait été mendié jusqu'au bout le truc. Et ça, ouais, ça tue le personnage de manière. Ouais, c'est la logique, c'est qu'il en veut à Triple H. Mais en même temps, ça veut dire qu'il cherche la reconnaissance de Triple H. Mais il cherche la reconnaissance des heels. Donc ça fait. Tout ça est complètement n'importe quoi. C'est l'influence des faces de Triple H sur le booking. Là quand même, hein, parce que c'est un ego maniaque. Voilà, faut quand même s'en rendre compte un petit peu. Et je faut ouvrir les yeux. Il va être très rapide. Donc si, c'est ça qui. Voilà, il va vouloir toujours mettre son nez dans l'histoire. Il va falloir à un moment donné qu'il. Que ce soit lui qui va brûler. Et quel tarin. Qui sera le champion, etc. Et voilà. Et donc, AJ Styles, fantastique. Il a magnifié tous les gens avec qui il était. Dans toutes ses rivalités, il a rendu, pour moi, il a permis à Roman Reigns d'avoir parmi les meilleurs matchs de l'année pour moi. Enfin, je veux dire le Extreme Rules, Roman Reigns et AJ Styles. C'était très beau ce match. Adoré. Ouais. J'en ai fait un speech de, je sais pas, 5 minutes là dans le catch-up concerné. Donc voilà. AJ Styles MVP total de la WWE cette année, mais malgré le fait que finalement il était pas là dès le début, mais juste formidable. Bon, J16 arrive même à rendre la TNA intéressante à l'époque où il était, quoi. Donc, pour dire le mec, le niveau qu'il a, quoi. C'est un. Ah bah la TNA, ça existe toujours parce qu'il y avait J16 là-bas. Hein. Et J16 à moi de jouer. Hein. Tu y serais pas venu, personne serait capoté assez rapidement, je pense. Hein. Amiral. Alors, eh ben mon flop, on en parlait. Eh ben c'est Triple H, mon flop. Hop. Parce que, bam, carrément. Mon flop, c'est Triple H, moi, je suis comme ça. Non, parce que je vais pas dire Titus O'Neil ou Sin Cara, c'est trop facile, trop naze. Voilà, monte ton poster de Triple H. Donc la Hank a un poster dédicacé Triple H dans les mains. Ça aurait pu être Roman Reigns, mais Roman Reigns n'est pas le pire catcheur de l'année. C'est le booker de Roman Reigns qui est naze. Donc je vais dire Triple H, parce que voilà, son ombre a plané sur les feux principales à Raw, comme on le disait, pendant toute l'année. Il a pas gâché toute l'année. Non, attends, ça suffit. Main Event de WrestleMania était pourri. À cause en partie de Triple H. Et la deuxième moitié 2016 à Raw dans la tête de picture avec Rollins, comme tu disais, a été aussi gâchée par cette histoire de Triple H. Donc moi, je mets un gros carton rouge de Triple H. Eh bah, quel paratonnerre ce Triple H. Exactement. Et mon top, eh bien, comme c'était dit au début, Jericho. Voilà. Le mec, il a 46 ans, il a intégré la WCW il y a 20 ans maintenant. Et il se sort encore une année comme ça, juste fabuleuse. Des matchs, bien sûr, moins spectaculaires que ce qu'il faisait il y a quelques années. Mais quand même, il sort des matchs intéressants sur la personne qu'il a en face. Et des promos juste fabuleuses, quoi. Donc voilà, il fait tout. Il sait tout faire. Presque. Du moins, il nous a montré beaucoup de choses dans son carquois en termes de cordes et de flèches à son arc. Hein. Et, oh putain, la métaphore! Ouais, parce que c'est Chris Jericho, il a un carquois avec des cordes, des flèches, un arc, une hélice, il y a tout quoi. Donc vraiment c'est, voilà, c'est le package complet je pense sur le vétéran, c'est vraiment le vétéran pour moi à Raw qui mène la division et le locker room, donc vraiment chapeau. Chapeau. Béret casquette. Voilà. Yes. Bon allez, mon top, on l'évacue tout de suite. Hein, AJ Styles, voilà, MVP de l'année. Il y a rien à dire. C'est très très fort ce qu'il a fait. Et mon flop, moi à chaque fois je prends des choix un peu faciles peut-être, douteux. Mais moi mon flop. Je vais mettre Jack Swagger parce qu'on l'a pas cité. Non mais le mec apparaît plus souvent dans nos podcasts qu'à la télé. Quoi. Je voulais mettre Jack Swagger parce que ça m'avait fait rire son soi-disant reboot Jack Swagger 2.0 quand il est passé à SmackDown et qu'il a fait le, c'était d'ailleurs le premier transfert de, je sais pas, de Raw à SmackDown. Enfin, il s'est fait pick-up et puis il avait fait sa promo si tu crois me connaître, you don't know Jack, je sais pas quoi, et en fait que dalle, c'était toujours le même et on en a rien à foutre donc voilà, c'était un des petits accidents de l'année, c'était Jack Swagger. Et bon bah il gagne mon flop pour ses awards. Il aura pas tout perdu alors. Voilà. Belle victoire de Swagger. T'en passes tous les soirs. Mon top est G-Style, j'ai dit. MVP. Ah oui, non, t'as dit rien à dire. C'est parce que c'était court, donc du coup, je vais aller sur Ringside. Oh ouais. Bah tu fais bien ce que tu veux. On va vous laisser alors. Je t'en prie, allonge-toi. Lol. Tant que j'attendais ça. le top, hein, je vais te dire tout de suite aussi, c'est G-Style. Hein. Donc voilà, effectivement. Le mec est arrivé, puis il a assuré comme peu de monde a assuré à la WWE. Alors, il fait quand même l'affiche du Wrestle Kingdom à la New Japan et WrestleMania dans la même année. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de catcheurs qui ont ce palmarès là. Non, je pense pas. Voilà, si nos auditeurs ont une idée, bah, je suis tout ouïe. Et puis voilà, moi je savais que c'était le meilleur catcheur du monde et il l'a prouvé maintes et maintes fois. Oh, et, je pense que ce sera peut-être le catcheur de 2017 aussi. Et voilà, c'est tout. Je pense que voilà. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Et pour le flop, moi j'ai mis Alberto Del Rio. Ah. Parce que quand même, le mec revient, il bat clean Cena pour la ceinture de champion US et il perd sa ceinture contre Kalisto pour la regagner contre Kalisto et la reperdre. Ça fait mal quand t'entends pas. La reperdre contre Kalisto. Oui, mais Kalisto il fait des lucha thing, des trucs lucha. Ouais, tu peux pas tester. Alors que le mec il a quand même déjà tout gagné, Alberto Del Rio. C'est un main eventer en puissance et il a montré qu'il pouvait assurer le job de main eventer. Del Rio et... c'est pas Baron Corbin. C'est pas Baron Corbin, voilà. On le fout dans la League of Nations et après le brand split, quand il revient à SmackDown après sa suspension, ils vont lui filer le push et lui, il s'en va. Et voilà. Donc, zéro pointé sur toute la ligne. D'un côté, les bookers ont fait de la merde. D'un côté, lui qui s'en va au moment où il aurait pu revenir au sommet parce que c'était clair qu'ils allaient le remettre dans la course au titre ou un truc comme ça. Il avait une belle place à SmackDown de défini et puis voilà, il s'en va comme ça. Voilà, pour moi ça je trouve que c'est quelqu'un qui manque dans le roster, Alberto Del Rio. Voilà, pour moi c'est mon flop de l'année. Je crois qu'il finit son run par le même adversaire qu'il a commencé, hein. Je crois que c'est Cena son dernier match. Ouais, c'est Cena son dernier match, ouais, justement. Ouais. D'accord. Et bah, tu fais bien de parler, Raph. Bah, vas-y, si tu l'as pas donné, ton top. Ah, moi je l'ai donné. Ah merde, attends, je suis en train de confondre. Qui n'a pas donné son top? Tout le monde. Je crois que c'est bon. On a parlé. Ouais. On a fait le tour. Tout le monde a parlé. Ouais. Et ben, Ring, c'est l'heure de prendre le relais rapidement, si tu veux. Rapidement, le débat qui va clore cette année. Il y a les catch-est bien remplis avec une WWE qui a assuré les surprises en pleine mutation. Et la grosse mutation, c'était effectivement la séparation de SmackDown et de Raw, deux rosters différents, la brand split. Alors, cette brand split, est-ce que vous trouvez que c'est un succès? Est-ce que vous trouvez que c'est réussi? Ou est-ce que vous trouvez que c'est une pantalonnade, que c'est de la poudre aux yeux? Je vais commencer par la personne qui est tout en haut à gauche de mon écran. Raphaël, qu'est-ce que tu en penses? Ah, je ne suis pas tout en haut à gauche de mon écran, en tout cas, ça change. Moi, c'est Ringside qui est tout en haut à gauche de mon écran. Moi, c'est Hank. Moi, c'est le bordel. Moi, je suis très content du brand split. Hein. Ça a vraiment sauvé l'année, ça a vraiment changé la face de la WWE, ça on peut le dire. Ça a créé deux rosters, donc de la place pour deux main events et deux scènes et tag team et mid card. Et donc, ça permet, je pense, d'avoir osé beaucoup plus de trucs. Hein. On voit clairement, s'il y avait eu qu'une seule ceinture par équipe, on n'aurait pas eu Slater and Rhino champion comme ça. On n'aurait peut-être pas les Wyatt avec Orton champion. On n'aurait peut-être pas eu, AJ Styles à ce niveau-là si on avait tous ces mecs qui se battraient pour une seule ceinture et un seul roster. Bon, ils ont créé beaucoup de ceintures pour le coup, et ça serait peut-être mon petit regret qu'il n'existe pas quand même une putain de grosse ceinture suprême de champion de la WWE qui soit le mec qu'on envoie dans les shows américains ou tout ça, le mec qui représente la fédération. Là, on a plutôt l'impression, à part dans des cas comme les Survivor Series, qu'on a affaire à deux fédérations différentes, quoi, qui se croisent à peine, deux divisions avec chacune ses ceintures, Raw Women, SmackDown Women, Raw Tag Team, SmackDown Tag Team, et il manque un peu un truc qui fasse vraiment pour moi, le cœur, le liant, le truc qui s'appelle WWE, quoi. Mais sinon, je suis plutôt content du brand split. Pour moi, c'est une réussite. Ok. Plutôt un succès pour Raphaël. Le suivant sur ma liste, c'est Giscal. Oh. Ah, attends, IRM a quelque chose à dire, je crois. Ah, moi, IRM. Je voulais rebondir sur les ceintures. Donc, écoute, vas-y. Va rebondir sur des ceintures. Giscal, il peut attendre un petit peu. Je peux attendre. Pour IRM, je peux attendre. Voilà. Merci, Giscalou. Non, je vais rebondir sur les ceintures parce que en fait c'était ma plus grosse crainte de cette brand split, c'était vraiment cette multiplicité, jusqu'à tu me corrigeras, hein, des ceintures où en fait il fallait tout en double. Et quand ils ont commencé à annoncer au fur et à mesure que tous ces doublons, je me suis dit, le premier réflexe, merde, ça va pas décrédibiliser, mais ça va diviser par 2, par 3, même par 10 le prestige de chacune de ces ceintures. Et du coup, ça me faisait pas bander, quoi, cette histoire. Et je me disais, j'aimais beaucoup l'idée, avec tout le bordel qu'ils ont fait, qu'ils ont réunifié les deux ceintures suprêmes. J'aimais bien cette idée de champion ultime, quoi, enfin, le boss. Et qu'est-ce qui On fait des blagounettes, on fait des mimes. Exactement. Pas regarder. Et comment dire? Et au final, quand on est à la fin de l'année, alors ce qui s'est passé, c'est que du coup, moi, je ne regarde plus que SmackDown. Ça, c'est sûr. Ouais. Pas juste parce que je fais le supplément, mais parce que il y a un moment, il faut choisir. Il y en a qui aimeraient bien aussi. Et du coup. Et du coup, je suis bien content d'avoir des champions par équipe à SmackDown. Je suis bien content d'avoir une championne à SmackDown. Et voilà. Et subsiste quand même malgré tout ce petit manque que j'éprouve, qui est effectivement le titre suprême. Le titre suprême, je pense, ça aurait été bien. Pour moi, c'est vraiment le seul titre qui aurait mérité de rester unique, hein, parce que ça aurait permis de créer des rivalités vraiment entre les deux brands, où les champions se battent pour avoir la ceinture suprême dans le show. Je comprends que ça puisse poser des problèmes concernant peut-être les audiences ou ce genre de choses, mais voilà, quand tu vois qu'en plus cette ceinture universelle, elle a un petit peu de mal à n'en être qu'au début, mais il faut qu'elle construise sa legacy, quoi. Donc je ne sais même pas, je suis allé voir, mon premier réflexe c'était d'aller voir comment sont considérées toutes ces ceintures, titre, parce qu'il y a titre primaire, secondaire, tertiaire, qu'on peut être triple crown, etc. Voilà, quand on a gagné 2, 3 ou 4 titres, on a un statut particulier à WWE, et à l'époque, le titre universel, il n'y a jamais eu de communiqué officiel, ou en tout cas c'était très long avant d'en avoir un, concernant la valeur de ce titre. Est-ce qu'il est au même plan que le titre qui est à SmackDown? Je suppose que oui. Je suppose aussi, je ne sais pas s'il y a une position officielle. Mais c'est le heavyweight, c'est le nouveau heavyweight, quoi. Mais non, il y en a, c'est champion du monde, c'est champion de l'univers, de la galaxie. C'est, voilà, ça englobe le monde, l'univers. Avant, il y avait le WWE et le heavyweight. Et, ouais, c'est ce que je me dis aussi. Ouais, mais l'universel, il n'a aucun historique au final. Ils sont en train de le construire. Mais les vieilles, t'avais tout le bagage NWA, WCW, etc. Donc c'était. Ça, à la limite. C'est vrai, un historique. Ouais. Ça, l'universel. Au début, c'est ce que je pensais. Non, le souci pour moi, c'est le nom, quoi. C'est pas que je trouve le nom mauvais, mais dans cette configuration-là, oui, il est mauvais. Parce que tu peux pas dire titre universel et à côté, il y a un autre titre. Qui est censé avoir la même valeur. S'il est universel, il est universel. il est pas. Ouais, mais genre, il dépasse tout, en fait. Il est omniscient. Le titre, c'est universe, voilà, c'est par rapport au public. Enfin. Et puis surtout qu'il se bagarre pas trop pour l'avoir, le titre universel, au final. Ouais, il est dégueulasse. Ouais. Enfin, plutôt pour le... Il est dégueulasse en plus, voilà. Bonne intervention. Mais voilà, et sinon, juste pour conclure, un des avantages de la Brand Speed, c'est que ça a permis de donner naissance aux stars de demain, quoi. Aux stars de demain, particulièrement à SmackDown. Et ça, rien que pour ça, c'est super, quoi. Enfin, c'est une des meilleures choses qu'ils pouvaient faire, peut-être, pour gérer le roster qui débarquait, en fait. Tout ce roster qu'ils ont là, qui est énorme. Enfin, ça déborde de partout, quoi. Il y en a partout, des catcheurs, des catcheuses, il y en a juste partout. Et c'est peut-être le meilleur move qu'ils aient fait pour gérer tout ça, quoi. Tandis que l'amiral est en train de nous montrer sa chevelure. J'ai bien envie de donner la parole à l'amiral parce qu'il est en galère. non, c'est pas trop apparent. On va redonner à Giscal. Non, mais tu vois, je rebondis sur la conclusion de Yerem parce que moi, c'est ça qui prédomine mon sentiment. C'est que finalement, c'était la meilleure chose qui pouvait arriver, cette séparation. Puisque, en effet, c'est grâce à cette séparation que moi, je me suis encore plus, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me suis encore plus rendu compte de la richesse, en fait. Du roster de la WWE qui a vraiment un roster d'une profondeur et d'une qualité juste stupéfiante parce que donc l'amiral je sais pas ce qu'il fait parce que là on arrive finalement du roster. Il est en train de faire ce que les divas adoraient, un petit paquet. Non mais enfin on a quand même, ils ont réussi à créer deux shows cohérents. Attention, je ne veux pas froisser Hank, mais en tout cas, des shows cohérents, on va dire, dans leur construction de roster, avec finalement deux belles scènes main event qui se valent quand même, d'une certaine manière, des divisions tag team des deux côtés, des divisions féminines des deux côtés, alors que c'était une de nos grosses inquiétudes, c'est vrai, quand ils avaient créé SmackDown, c'était... est-ce que la faiblesse de la draft au niveau des équipes et des femmes, c'était surtout ça qui nous chagrinait à l'époque, c'était que SmackDown, finalement, est-ce qu'on allait vraiment pouvoir s'intéresser aux équipes et aux filles, alors que Arrow, finalement, il gardait dans les équipes, il gardait The New Day, il gardait la Team Soft, il gardait Ils avaient les patates Gallows. Chaudes, hein. Ouais, ils avaient les patates chaudes, ils gardaient Gallows et Anderson, qui étaient donc, voilà, les trois équipes, on va dire, du moment, les trois équipes qu'on sentait les plus grosses, enfin vraiment les plus over. Et puis pour les filles, ils gardaient Sasha Banks, ils gardaient Charlotte, ils gardaient Bayley. Donc c'était terrible. Enfin, pour dire, mais comment est-ce qu'ils vont faire? Et en fait, finalement, SmackDown, c'est ça. Ça a réussi à montrer que la WWE a un roster absolument exceptionnel et que des filles comme Becky Lynch, comme Alexa Bliss, des équipes comme les American Alpha, finalement aussi, d'une certaine manière, avec un petit changement de direction salvateur, les Usos, finalement, ces gens-là, avec les bonnes opportunités au bon moment, étaient capables de faire aussi des choses très bien. Pour moi, c'est une bénédiction, ce brand split. Vraiment une terre d'expérimentation et d'opportunités qui permet plein d'éclosions en 2016. Donc, moi, je trouve on dirait la bouche de Vince. Des opportunités. Ah non, mais bon, écoute, si tu n'es pas d'accord, dis-moi, explique-moi. Allez, on... Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord sur une bonne partie. Je pense que ça a été une réussite pour SmackDown, le Brand Split. Mais Raw, bizarrement, moi, au moment du Brand Split, je me suis pas dit, SmackDown, ils ont eu genre la part pas terrible, etc. Je me suis dit, genre, SmackDown, ça dure pas aussi longtemps que Raw. Raw est le show le plus regardé, donc forcément, SmackDown va avoir genre le gros du roster qui est en train de stagner, quoi, dont tout le monde se fout un peu. Plus quelques saupoudrés dessus, quelques stars justement Cena, AJ Styles, etc. Mais voilà, et enfin, t'as ces trois couches là, donc du coup les mecs stagnants, Et la couche NXT et voilà les saupoudrées de stars. Mais donc du coup forcément SmackDown est plus intéressant à regarder parce que SmackDown voulait faire autre chose et Raw a essayé de pour moi finalement faire à peu près ce qu'ils faisaient avant. Après le truc c'est qu'ils ont peut-être un peu plus de place pour leur main event, enfin pour leur segment de main event. L'embêtant c'est qu'ils ont, ils avaient plus de place et ils se sont dit on a plus de place donc on va mettre plus de monde et c'est le problème, c'est le problème, c'est qu'ils ont mis la rivalité principale de Raw, il y a un putain, il y a 10 personnes dedans. Il y a trop de gens. Il y a Mick Foley, il y a Triple H, il y a Seth Rollins, il y a Roman Reigns, il y a Kevin Owens, il y a Jericho. Non mais c'est voilà, on n'y capte plus rien. Je pense qu'ils gèrent beaucoup moins bien l'effort à Raw, ça je suis d'accord. Et à côté de ça, SmackDown a fait un truc que j'ai trouvé génial et qui rend le show différent. Après chacun ses préférences, mais SmackDown a décidé ok, on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est pas pour ça qu'on va faire. Genre, on va se mettre à faire du NXT ou je sais pas quoi, mettre des matchs et des matchs et des matchs parce qu'on a, on n'a pas le temps. On va faire genre 3, 4 matchs. Bon, je pense que c'est 4 minimum, mais juste des matchs, des moments, des matchs très courts. Mais on va donner la place aux personnages, on va donner la place aux promos, on va donner la place aux interviews. Et on va construire ces personnages et leur donner un peu de place. Ils ont réussi à rendre Carmella potable en 3 mois, alors que c'était une catastrophe quand elle est arrivée. Il donne du temps à tout le monde. Ouais, ouais. C'est ça. Mais après sur Raw, bon, moi j'aurais aimé, ils n'ont pas réussi. Pour Mojo. Arrête avec le pauvre Mojo. J'ai rien contre Mojo Rayleigh, moi. Non plus. Sur Monday Night Raw, le fait qu'il mélange comme ça les intrigues dans le main event, il y a des gens à qui ça plaît. Hein, mais est-ce que c'est un point où c'est trop bordélique? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, mon bon amiral? Alors, sur le brand split et sur SmackDown, non, globalement, c'est bien parce que de toute façon, SmackDown, c'était un robis avant, donc c'était inintéressant. Donc là, du coup, ça permet vraiment de développer, comme ça t'a dit, j'ai pas fait la redite, hein, de développer d'autres histoires, d'autres storylines, d'autres rosters. Donc ça, c'est une réussite. Niveau d'euro, je pense que le problème, il est comme l'a dit Yank, hein, c'est on a plus de temps, on va mettre plus de monde. On fait la même chose qu'avant, mais plus de monde. Donc on a un tiers de plus de gens qu'à SmackDown. On a les Cruiserweights qu'on intègre en plus au milieu. Donc au final, ils n'ont pas tant développé tout ce qu'ils pourraient développer. Maintenant, après, je comprends la logique de commercialement, en termes de compagnie, de dire, OK, Raw, c'est le programme le plus regardé précédemment, vous savez toujours aujourd'hui, mais précédemment. Il faut que les gens qui ont pris l'habitude de regarder leur lundi sur USA Network continuent de voir ce qu'ils ont l'habitude de voir et qu'ils aiment voir. Donc on va continuer la même chose. Et là, on va un peu plus tenter des trucs fun ou différents. Ça va être l'émission qu'on essaie de remonter et de redonner une identité, c'est SmackDown. Au moment avant le draft, SmackDown n'avait pas d'identité, c'était un sourd, donc il a fallu bosser beaucoup là-dessus. Donc c'est plutôt une réussite. Maintenant, je pense que ça peut peut-être s'équilibrer dans l'année 2017, une fois qu'ils ont, ils auront passé à autre chose sur cette intrigue principale, cette storyline qui va nous durer jusqu'à Mania pour Raw. On n'aura pas fini d'en parler des incohérences dans le catch-up. Moi, je pense que le gros carton rouge que je mets au niveau du draft, c'est par rapport au pay-per-view. Ça il faut en parler, ça. Ou trop de pay-per-view au point où non seulement c'est chronophage, deux, c'est juste que y a plein de pay-per-view finalement, ils ont pas un cachet pay-per-view. On en parlait l'autre jour avec Ringside, des pay-per-view de trop, mais il y a eu plein de pay-per-view de trop cette année en fait. Ouais. Du côté SmackDown, il y a aussi, dans le sens où on voit le dernier SmackDown du 27 décembre. S'il te plaît, Roadblock End of the Line. Oui, c'est important. Et pas le roadblock qu'on a eu d'avant l'année dernière, enfin, début d'année. Le dernier SmackDown, Dennis SmackDown était aussi booké comme un pay-per-view. Ah, comme un mini pay-per-view. C'est ça, ouais. Après, les pay-per-view étaient beaucoup mieux depuis qu'il y a eu le brand split que ceux qu'il y a eu avant. Hein. Les derniers qu'on a eu en début d'année, c'est pas terrible. Hein. Quand tu regardes les cartes maintenant, à part les main events, le reste de ce qu'il y avait dedans, c'était vraiment pas folichon. Je trouve qu'il y a plus de contenu dans ce qui se fait après la bande, même s'il y a plus de pay-per-view dans l'année. Bon. Après, ils vont en faire moins l'année prochaine. Hein. Ça, c'est déjà C'est une bonne nouvelle qu'ils se soient rendus compte de ça, parce qu'après, ils sont plus intéressants au niveau de la carte, c'est normal, parce qu'on a des storylines, on a plus de storylines disponibles, en fait, Les grosseurs. Ça revient un peu à la formule qu'ils avaient à une époque, c'était 2008, je crois, où tu avais SmackDown et Raw qui étaient divisés chaque mois. Complètement, et moi, je me rappelle à cette époque-là où je suis déjà WWE, c'était super intéressant, c'est justement le draft. Il y a des émissions spéciales, hein, Raw, où il y a des rosters et il y a plein de personnes qui vont passer de Raw à SmackDown et à l'inversement. Bon, ça va pas tarder. Pour un peu redistribuer les cartes, notamment au niveau des équipes ou des filles, parce que dans chaque roster, Raw, SmackDown, ils vont tourner en rond assez rapidement. Donc ça, faut que ça intervienne bientôt. Bah, écoutez-moi, le jour où ils font la draft, je serai accroché à mon siège, quoi. Tous les catcheurs que je suis à SmackDown qui vont partir à Raw et tous ceux qui sont à Raw qui vont venir dans qui mon show. Qui vont gâcher leur vie. Qui vont venir dans mon show parce que moi, ça y est, maintenant j'ai un sentiment d'appartenance à une brand, quoi. Et ça, c'est très fort quand même. Mais je pense que ça, c'est important. Ça a permis à développer, de redévelopper ça, ce sentiment de brands distinctes. Parce que je pense que avant le 19 juillet dernier, il n'y avait plus grand monde qui regardait SmackDown vraiment avec un vrai intérêt. Donc, tout n'a pas été positif sur Raw, on l'a déjà dit, mais en tout cas, ne serait-ce que d'avoir redonné ce sentiment-là d'appartenance à SmackDown, je trouve ça génial. Et ça me fait penser, parce qu'on s'était marré une fois avec Irem dans un supplément SmackDown sur une promo, je crois que c'était Shane McMahon, après Survivor Series, qui fait une promo dans le ring, le SmackDown d'après, et qui parle finalement du fallout des Survivor Series, et qui s'adresse au public, il est tout seul dans le ring, et puis il dit, on n'a pas gagné tous nos matchs, mais on a gagné le match masculin, et je voudrais féliciter quand même les perdants de Raw. Et là, le public siffle les noms de l'équipe d'Euro parce que finalement le public était content d'être à SmackDown, était content de regarder SmackDown, et sorte de sentiment d'appartenance un peu, et ça les a poussés à siffler Euro et à se mettre derrière le truc. Et je trouve que ça, c'est arrivé en fin d'année, c'est mine de rien assez révélateur, je pense, du super travail que ça a pu faire au niveau de vraiment de l'équilibre des deux brands. On n'a même pas parlé, on n'a même pas rajouté Talking Smack. Dans le lot qui est, je pense, la plus grosse réussite, au moins, enfin, on va dire pour notre communauté de fans vraiment proches du produit, qui est la plus grosse réussite de l'année au niveau de construire justement des personnages et voir comment. Comment les catcheurs évoluent, enfin, comment ils construisent leurs compétences au micro, quoi. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment. Ça aussi, c'est pas possible sans la brain split, quoi. Mais autant il y a une popularité pour SmackDown, autant pour Raw, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Hein, parce que même à Raw, quand ils mentionnent SmackDown, les gens acclament SmackDown. C'est moins réussi. Et... Le public de Raw est héros alors qu'ils ont acheté des places pour venir voir Monday Night Raw, quoi. C'est un peu vraiment l'émission mal aimée, quoi, Monday Night Raw, mais c'est toujours handicapé par le fait que ça fait 3 heures. Parce que SmackDown, c'est le bon timing, ils savent le faire, donc ça fonctionne. Raw, ils savent toujours pas faire des shows aussi longs. Et puis il y a Triple H qui court-circuite tout depuis le début, donc ça c'est. T'auras beau tourner dans tous les sens, ça se voit. Ça... Goldberg arrive, il est complètement loin de tout ça. Brock Lesnar arrive, ils te font un truc de fou qui ramène des gens à gogo, qui passionne tout le monde avec des surprises et tout. Et tout le reste de l'année, Raw s'est parasité parce qu'on est en attente du retour de Triple H au final. Il est fort, hein, mec qui est pas là et il gâche tout. Le format des 3 heures, c'est un vrai souci, le format des 3 heures. Si tu te tires une balle dans le pied en essayant de mettre toutes les semaines Stéphanie McMahon, Mick Foley, et que les gens se battent pas pour la ceinture mais pour être le favori de Triple H. La ceinture a pas de valeur, t'as les McMahon qui parasitent les 3/4 du show. Au final, t'as beau avoir 3 heures, t'as une heure de toujours la même rengaine, les méchants, GM, etc., etc. C'est assez lassant. Au bout du compte, les gens ont plus envie de voir ça. Les gens, ils ont envie de voir un babyface comme Goldberg qui affronte Brock Lesnar, même si ça dure 1 minute 30, c'est pas grave. Du catch à l'ancienne, quoi. Plus ces histoires de choses. Voilà. Je suppose que vous n'avez rien à ajouter à tout ça. Non, bah, enfin moi non. On va mettre fin au débat. Voilà, bah, merci à tous d'avoir participé du coup. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur iTunes, merci. Sur PodCloud, sur c'est quoi le dernier YouTube, YouTube des Cahiers du Catch. Et on n'a pas fait, le comment la musique, le mot de la fin. Non, le générique, pas la musique. Ah la musique merde, d'entrée, putain, la musique d'entrée des catcheurs, on l'a pas fait. Ouais. Et bah, alors, très rapidement, très rapidement, la musique d'entrée préférée, moi j'en fais. C'est quoi ça? Samoa Joe. C'est quoi? Samoa Joe, bravo. C'est hier, c'est juste ça. Voilà. mets ta musique, Kerem. You can see, but you can't touch. Ah non. Ah, mais c'est Nicky Bella, ça. Mais C'est random, c'est le premier qui m'est venu à l'esprit. Mais on doit fredonner, normalement, on n'a pas le droit de chanter. Bah, c'est comme ça que je fredonne, moi, ok. Donc, on confirme, Kerem, ta quelque chose préférée de l'année, Nicky Bella. Giscan. C'est Bailey. Ok. Et j'ai pas fait John Cena, vous avez vu. C'est bon. D'accord. L'amiral. J'aurais dû m'y attendre. Raph. Ça, c'est Star Wars. Star Wars. Mais il a rien compris. Dark Vador. Maintenant, arrive la WWE. Ah, Shinsuke. Ouais, Nakamura. Ouais. C'est pas terrible. Hein. Oui, bah, je sais pas. On a tous cru que c'était Dark Vador. Le début, enfin, vous savez pas. Je vais le faire aussi, putain. C'est quoi ça? Il y croit pas. Il y croit même pas, il sait qu'il a perdu déjà. Je sais pas c'est quoi la suite après. C'est que ça, normalement, ça arrive, les gens reconnaissent. Ah, c'est Roman Reigns! Voilà! Oh, oh là là! Je vous avais dit que je pouvais pas le faire. C'est ça, on a reconnu là. Ça. Ah là, je le connais, ouais. Si tu veux finir le bot de ta vie. Bon, qui c'est qui l'a pas fait? Tout le monde l'a fait. Bon, je crois que tout le monde est passé. Voilà. C'était bien de m'avoir interrompu pendant le truc. Alors, donc voilà, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour les émissions standards, hein, catch-up, le supplément, toutes les semaines. Et allez. Le supplément SmackDown surtout, hein, n'oubliez pas. Hein. Ouais. Un beau succès. Et lisez les articles. Allez sur les cahiers du catch, abonnez-vous. Voilà, des le bisous. Facebook. Bonne semaine. Ciao, ciao. Et salut. Salut tout le monde. Bonne année, Tête de Catch. Voilà. Bisous. Allez, bonne année. Chapeau. Chapeau. Allez, chapeau. C'est le mot de la fin, chapeau. 'fin, je suis trop à la bourre, moi. Bon, j'ai vraiment envie de pisser, hein.